deuxième partie, l'entrée dans le monde. Vers la fin de cette première semaine du mois de décembre, Rastignac reçut deux lettres, l'une de sa mère, l'autre de sa sœur aînée. Ces écritures si connues le firent à la fois palpiter d'aise et trembler de terreur. Ces deux frêles papiers contenaient un arrêt de vie ou de mort sur ses espérances. S'il concevait quelque terreur en se rappelant la détresse de ses parents, il avait trop bien éprouvé leur prédilection pour ne pas craindre d'avoir aspiré leur dernière goutte de sang. La lettre de sa mère était ainsi conçue. « Mon cher enfant, je t'envoie ce que tu m'as demandé. Fais un bon emploi de cet argent. Je ne pourrais, quand il s'agirait de te sauver la vie, trouver une seconde fois une somme si considérable, sans que ton père en fût instruit, ce qui troublerait l'harmonie de notre ménage. Pour nous la procurer, nous serions obligés de donner des garanties sur notre terre. Il m'est impossible de juger le mérite de projets que je ne connais pas. Mais de quelle nature sont-ils donc pour te faire craindre de me les confier ? Cette explication ne demandait pas des volumes. Il ne nous faut qu'un mot à nous autres mères, et ce mot m'aurait évité les angoisses de l'incertitude. Je ne saurais te cacher l'impression douloureuse que ta lettre m'a causée. Mon cher fils, quel est donc le sentiment qui t'a contraint à jeter un tel effroi dans mon cœur ? Tu as dû bien souffrir en m'écrivant, car j'ai bien souffert en te lisant. Dans quelle carrière t'engages-tu donc ? Ta vie, ton bonheur, serait attaché à paraître ce que tu n'es pas, à voir un monde où tu ne saurais aller sans faire des dépenses d'argent que tu ne peux soutenir, sans perdre un temps précieux pour tes études. Mon bon Eugène, croisant le cœur de ta mère, les voies tortueuses ne mènent à rien de grand. La patience et la résignation doivent être les vertus des jeunes gens qui sont dans ta position. Je ne te gronde pas. Je ne voudrais communiquer à notre offrande aucune amertume. Mes paroles sont celles d'une mère aussi confiante que prévoyante. Si tu sais quelles sont tes obligations, je sais, moi, combien ton cœur est pur, combien tes intentions sont excellentes. Aussi, puis-je te dire sans crainte, va, mon bien-aimé, marche. Je tremble parce que je suis ta mère, mais chacun de tes pas sera tendrement accompagné de nos vœux et de nos bénédictions. Sois prudent, cher enfant. Tu dois être sage comme un homme. Les destinées de 5 personnes qui te sont chères reposent sur ta tête. Oui, toutes nos fortunes sont en toi, comme ton bonheur est le nôtre. Nous prions tous Dieu de te seconder dans tes entreprises. Ta tante Marcillac a été, dans cette circonstance, d'une bonté inouïe. Elle allait jusqu'à concevoir ce que tu me dis de tes gants. Mais elle a un faible pour l'aîné, disait-elle gaiement. Mon Eugène, aime bien ta tante. Je ne te dirai ce qu'elle a fait pour toi que quand tu auras réussi. Autrement, son argent te brûlerait les doigts. Vous ne savez pas, enfant, ce que c'est que de sacrifier des souvenirs. Mais que ne vous sacrifierait-on pas ? Elle me charge de te dire qu'elle te baise au front et voudrait te communiquer par ce baiser la force d'être souvent heureux. Cette bonne et excellente femme t'aurait écrit si elle n'avait pas la goutte au doigt. Ton père va bien. La récolte de 1819 passe nos espérances. Adieu, cher enfant. Je ne te dirai rien de tes sœurs. Laure t'écrit. Je lui laisse le plaisir de babiller sur les petits événements de la famille. Fasse le ciel que tu réussisses. Oh oui, réussis, mon Eugène. Tu m'as fait connaître une douleur trop vive pour que je puisse la supporter une seconde fois. J'ai su ce que c'était d'être pauvre, en désirant la fortune pour la donner à mon enfant. Allons, adieu, ne nous laisse pas sans nouvelles. Et prends ici le baiser que ta mère t'envoie. Quand Eugène eut achevé cette lettre, il était en pleurs. Il pensait au père Goriot, tordant son vermeil et le vendant pour aller payer la lettre de change de sa fille. Ta mère a tordu ses bijoux, se disait-il. Ta tante a pleuré sans doute en vendant quelques-unes de ses reliques. De quel droit maudirais-tu Anastasie ? Tu viens d'imiter pour l'égoïsme de ton avenir ce qu'elle a fait pour son amant. Qui d'elle ou de toi vaut mieux ? L'étudiant se sentit les entrailles rongées par une sensation de chaleur intolérable. Il voulait renoncer au monde. Il voulait ne pas prendre cet argent. Il éprouva ces nobles et beaux remords secrets dont le mérite est rarement apprécié par les hommes quand ils jugent leurs semblables et qui font souvent absoudre par les anges du ciel le criminel condamné par les juristes de la terre. Rastignac ouvrit la lettre de sa sœur, dont les expressions innocemment gracieuses lui rafraîchirent le cœur. « Ta lettre est venue bien à propos, cher frère. Agathe et moi, nous voulions employer notre argent de tant de manières différentes que nous ne savions plus à quel achat nous résoudre. Tu as fait comme le domestique du roi d'Espagne quand il a renversé les montres de son maître. Tu nous as mises d'accord. Vraiment, nous étions constamment en querelle pour celui de nos désirs auquel nous donnerions la préférence. Et nous n'avions pas deviné, mon bon Eugène, l'emploi qui comprenait tous nos désirs. Agathe a sauté de joie. Enfin, nous avons été comme deux folles pendant toute la journée. À telles enseignes, style de tante, que ma mère nous disait de son air sévère. Mais qu'avez-vous, mesdemoiselles ? Si nous avions été grondées un brin, nous en aurions été, je crois, encore plus contentes. Une femme doit trouver bien du plaisir à souffrir pour celui qu'elle aime. Moi seule étais rêveuse et chagrine au milieu de ma joie. Je ferais sans doute une mauvaise femme, je suis trop dépensière. Je m'étais acheté deux ceintures. Un joli poinçon pour percer les œillets de mes corsets. Des niaiseries. En sorte que j'avais moins d'argent que cette grosse Agathe, qui est économe et entasse ses écus comme une pie. Elle avait 200 francs. Moi, mon pauvre ami, je n'ai que 50 écus. Je suis bien punie, je voudrais jeter ma ceinture dans le puits. Il me sera toujours pénible de la porter. Je t'ai volée. Agathe a été charmante. Elle m'a dit. Envoyons les 350 francs à nous deux. Mais je n'ai pas tenu à te raconter les choses comme elles se sont passées. Sais-tu comment nous avons fait pour obéir à tes commandements ? Nous avons pris notre glorieux argent. Nous sommes allés nous promener toutes deux. Et quand une fois nous avons eu gagné la grande route, nous avons couru à Ruffec, où nous avons tout bonnement donné la somme à M. Grimbert, qui tient le bureau des messageries royales. Nous étions légères comme des hirondelles en revenant. Est-ce que le bonheur nous allégerait ? Me dit Agathe. Nous nous sommes dit 1000 choses que je ne vous répéterai pas, monsieur le Parisien. Il était trop question de vous. Oh, mon cher frère, nous t'aimons bien, voilà tout en 2 mots. Quant au secret, selon ma tante, de petites masques comme nous sont capables de tout, même de se taire. Ma mère est allée mystérieusement à Angoulême avec ma tante, et toutes deux ont gardé le silence sur la haute politique de leur voyage, qui n'a pas eu lieu sans de longues conférences, dont nous avons été bannis, ainsi que M. le baron. De grandes conjectures occupent les esprits dans l'état de Rastignac. La robe de mousseline semée de fleurs à jour que brodent les infantes pour Sa Majesté la Reine avance dans le plus profond secret. Il n'y a plus que 2 laises à faire. Il a été décidé qu'on ne ferait pas de mur du côté de Verteuil. Il y aura une haie. Le menu peuple y perdra des fruits, des espaliers, mais on y gagnera une belle vue pour les étrangers. Si l'héritier présomptif avait besoin de mouchoirs, il est prévenu que la douairière de Marcillac, en fouillant dans ses trésors et ses malles, désignés sous le nom de Pompeia et d'Herculanum, a découvert une pièce de belle toile de Hollande qu'elle ne se connaissait pas. Les princesses Agathe et Laure mettent à ses ordres leur fil, leur aiguille et des mains toujours un peu trop rouges. Les deux princes, dont Henri et dont Gabriel, ont conservé la funeste habitude de se gorger de résinée, de faire enrager leur sœur, de ne vouloir rien apprendre, de s'amuser à dénicher des oiseaux, de tapager et de couper, malgré les lois de l'État, des osiers pour se faire des badines. Le nonce du pape, vulgairement appelé monsieur le curé, menace de les excommunier s'ils continuent à laisser les 5 anneaux de la grand-mère pour les canons du sureau belliqueux. Adieu, cher frère. Jamais lettre n'a porté tant de vœux faits pour ton bonheur, ni tant d'amour satisfait.

dit Madame Vauquier en regardant les sacs. Mademoiselle Michonneau craignait de jeter les yeux sur l'argent, de peur de montrer sa convoitise. « Vous avez une bonne mère, » dit Madame Couture. « Monsieur a une bonne mère, » répéta Poiret. « Oui, la maman s'est saignée, » dit Vautrin. « Vous pourrez maintenant faire vos farces, aller dans le monde, y pêcher des dots et danser avec des comtesses qui ont des fleurs de pêcher sur la tête. Mais croyez-moi, jeune homme, fréquentez le tir. » Vautrin fit le geste d'un homme qui vise son adversaire. Rastignac voulut donner pour boire au facteur et ne trouva rien dans sa poche. Vautrin fouilla dans la sienne et jeta 20 sous à l'homme. « Vous avez bon crédit, » reprit-il en regardant l'étudiant. Rastignac fut forcé de le remercier. Quoique depuis les mots aigrement échangés le jour où il était revenu de chez Madame de Beauséant, cet homme lui fut insupportable. Pendant ces 8 jours, Eugène et Vautrin étaient restés silencieusement en présence et s'observaient l'un l'autre. L'étudiant se demandait vainement pourquoi. Sans doute les idées se projettent en raison directe de la force avec laquelle elles se conçoivent et vont frapper là où le cerveau les envoie, par une loi mathématique comparable à celle qui dirige les bombes au sortir du mortier. Divers en sont les effets. S'il est des natures tendres où les idées se logent et qu'elles ravagent, il est aussi des natures vigoureusement munies, des crânes à remparts d'airain sur lesquels les volontés des autres s'aplatissent et tombent comme les balles devant une muraille. Puis il est encore des natures flasques et cotonneuses, où les idées d'autrui viennent mourir comme des boulets s'amortissent dans la terre molle des redoutes. Rastignac avait une de ces têtes pleines de poudre qui sautent au moindre choc. Il était trop vivacement jeune pour ne pas être accessible à cette projection des idées, à cette contagion des sentiments dont tant de bizarres phénomènes nous frappent à notre insu. Sa vue morale avait la portée lucide de ses yeux de lynx. Chacun de ses doubles sens avait cette longueur mystérieuse, cette flexibilité d'aller et de retour qui nous émerveille chez les gens supérieurs, bretteurs habiles à saisir le défaut de toutes les cuirasses. Depuis un mois, il s'était d'ailleurs développé chez Eugène autant de qualités que de défauts. Ses défauts, le monde et l'accomplissement de ses croissants désirs les lui avaient demandés. Parmi ses qualités se trouvait cette vivacité méridionale qui fait marcher droit à la difficulté pour la résoudre et qui ne permet pas à un homme d'outre-Loire de rester dans une incertitude quelconque. Qualité que les gens du Nord nomment un défaut. Pour eux, si ce fut l'origine de la fortune de Murat, ce fut aussi la cause de sa mort. Il faudrait conclure de là que quand un méridional sait unir la fourberie du Nord à l'audace d'outre-Loire, il est complet et reste roi de Suède. Rastignac ne pouvait donc pas demeurer longtemps sous le feu des batteries de Vautrin sans savoir si cet homme était son ami ou son ennemi. De moment en moment, il lui semblait que ce singulier personnage pénétrait ses passions et lisait dans son cœur, tandis que chez lui tout était si bien clos qu'il semblait avoir la profondeur immobile d'un sphinx qui sait, voit tout et ne dit rien. En se sentant le gousset plein, Eugène se mutina. « Faites-moi le plaisir d'attendre, » dit-il à Vautrin qui se levait pour sortir après avoir savouré les dernières gorgées de son café. « Pourquoi ?» répondit le quadragénaire en mettant son chapeau à large bord et prenant une canne en fer avec laquelle il faisait souvent des moulinets en homme qui n'aurait pas craint d'être assailli par 4 voleurs. « Je vais vous rendre, » reprit Rastignac qui défit promptement un sac et compta 140 francs à Madame Vauquier. « Les bons comptes font les bons amis, » dit-il à la veuve. « Nous sommes quittes jusqu'à la Saint-Sylvestre. Changez-moi ces 100 sous. »« Les bons amis font les bons comptes, » répéta Poiret en regardant Vautrin. « Voici 20 sous, » dit Rastignac en tendant une pièce au sphinx en perruque. « On dirait que vous avez peur de me devoir quelque chose, » s'écria Vautrin en plongeant un regard divinateur dans l'âme du jeune homme, auquel il jeta un de ses sourires goguenards et diogéniques, desquels Eugène avait été sur le point de se fâcher 100 fois. « Mais oui, reprit l'étudiant qui tenait ses deux sacs à la main et s'était levé pour monter chez lui. Vautrin sortait par la porte qui donnait dans le salon, et l'étudiant se disposait à s'en aller par celle qui menait sur le carré de l'escalier. « Savez-vous, monsieur le marquis de Rastignac-Orama, que ce que vous me dites n'est pas exactement poli ?» dit alors Vautrin en fouettant la porte du salon et venant à l'étudiant qui le regarda froidement. Rastignac ferma la porte de la salle à manger en emmenant avec lui Vautrin au bas de l'escalier, dans le carré qui séparait la salle à manger de la cuisine, où se trouvait une porte pleine donnant sur le jardin et surmontée d'un long carreau garni de barreaux de fer. Là, l'étudiant dit devant Sylvie, qui déboucha de sa cuisine, « Monsieur Vautrin, je ne suis pas marquis et je ne m'appelle pas Rastignac-Orama. » « Ils vont se battre, » dit mademoiselle Michonneau d'un air indifférent. « Se battre ?» répéta Poiret. « Que non !» répondit madame Vauquier en caressant sa pile d'écus. « Mais les voilà qui vont sous les tilleuls !» cria mademoiselle Victorine en se levant pour regarder dans le jardin. « Ce pauvre jeune homme a pourtant raison. »« Remontons, ma chère petite, » dit madame Couture. « Ces affaires-là ne nous regardent pas. » Quand madame Couture et Victorine se levèrent, elles rencontrèrent à la porte la grosse Sylvie qui leur barra le passage. « Quoi qu'il n'y a donc, » dit-elle, « Monsieur Vautrin a dit à monsieur Gênes, expliquons-nous. » Puis il l'a pris par le bras et les voilà qui marchent dans nos artichauts. En ce moment, Vautrin parut. « Maman Vauquier, dit-il en souriant, ne vous effrayez de rien. Je vais essayer mes pistolets sous les tilleuls. »« Oh, monsieur, dit Victorine en joignant les mains, pourquoi voulez-vous tuer monsieur Gênes ?» Vautrin fit deux pas en arrière et contempla Victorine. « Autre histoire !» s'écria-t-il d'une voix railleuse qui fit rougir la pauvre fille. « Il est bien gentil, n'est-ce pas, ce jeune homme-là » reprit-il. « Vous me donnez une idée. Je ferai votre bonheur à tous deux, ma belle enfant. » Madame Couture avait pris sa pupille par le bras et l'avait entraînée en lui disant à l'oreille. « Mais, Victorine, vous êtes inconcevable ce matin. »« Je ne veux pas qu'on tire des coups de pistolet chez moi, » dit madame Vauquier. « N'allez-vous pas effrayer tout le voisinage et amener la police à cette heure ?»« Allons, du calme, maman Vauquier, » répondit Vautrin. « Là, là, tout beau, nous irons au tir. » Il rejoignit Rastignac, qu'il prit familièrement par le bras. « Quand je vous aurai prouvé qu'à 35 pas, je mets 5 fois de suite ma balle dans un as de pique, » lui dit-il, « cela ne vous ôterait pas votre courage. Vous m'avez l'air d'être un peu rageur, et vous vous feriez tuer comme un imbécile. » « Vous reculez ?» dit Eugène. « Ne m'échauffez pas la bile, » répondit Vautrin. « Il ne fait pas froid ce matin. Venez vous asseoir là-bas, » dit-il en montrant les sièges peints en verre. « Là, personne ne nous entendra. J'ai à causer avec vous. Vous êtes un bon petit jeune homme auquel je ne veux pas de mal. Je vous aime, foi de trompe. Mille tonnerres, foi de Vautrin. Pourquoi vous aimais-je ? Je vous le dirai. En attendant, je vous connais comme si je vous avais fait, et vais vous le prouver. Mettez vos sacs là, » reprit-il en lui montrant la table ronde. Rastignac posa son argent sur la table et s'assit en proie à une curiosité que développa chez lui au plus haut degré le changement soudain opéré dans les manières de cet homme, qui, après avoir parlé de le tuer, se posait comme son protecteur. « Vous voudriez bien savoir qui je suis ?» « Ce que j'ai fait, ou ce que je fais, » reprit Vautrin. « Vous êtes trop curieux, mon petit. »« Allons, du calme. Vous allez en entendre bien d'autres. J'ai eu des malheurs. Écoutez-moi d'abord, vous me répondrez après. » »« Voilà ma vie antérieure en 3 mots. Qui suis-je ? Vautrin. Que fais-je ? Ce qui me plaît. Passons. Voulez-vous connaître mon caractère ? Je suis bon avec ceux qui me font du bien ou dont le cœur parle au mien. À cela, tout est permis. Ils peuvent me donner des coups de pied dans les os des jambes sans que je leur dise « Prends garde !» Mais non d'une pipe, je suis méchant comme le diable avec ceux qui me tracassent ou qui ne me reviennent pas. Et il est bon de vous apprendre que je me soucie de tuer un homme comme de ça, dit-il en lançant un jet de salive. Seulement, je m'efforce de le tuer proprement, quand il le faut absolument. Je suis ce que vous appelez un artiste. J'ai lu les mémoires de Benvenuto Cellini, tels que vous me voyez, et en italien encore. J'ai appris de cet homme-là, qui était un fier luron, à imiter la providence qui nous tue à tort et à travers, et à aimer le beau partout où il se trouve. N'est-ce pas d'ailleurs une belle partie à jouer que d'être seul contre tous les hommes et d'avoir la chance? J'ai bien réfléchi à la constitution actuelle de votre désordre social. Mon petit, le duel est un jeu d'enfant, une sottise. Quand de deux hommes vivants l'un doit disparaître, il faut être un imbécile pour s'en remettre au hasard. Le duel? Croix ou pile, voilà. Je mets 5 balles de suite dans un as de pique en renfonçant chaque nouvelle balle sur l'autre. Et à 35 pas encore. Quand on est doué de ce petit talent-là, l'on peut se croire sûr d'abattre son homme. Eh bien, j'ai tiré sur un homme 20 pas. Je l'ai manqué. Le drôle n'avait jamais manié de sa vie un pistolet. Tenez, dit cet homme extraordinaire, en défaisant son gilet et montrant sa poitrine velue comme le dos d'un ours, mais garnie d'un crin fauve qui causait une sorte de dégoût mêlé d'effroi. Ce blanc bec m'a roussi le poil, ajouta-t-il en mettant le doigt de Rastignac sur un trou qu'il avait au sein. Mais dans ce temps-là, j'étais un enfant. J'avais votre âge, 21 ans. Je croyais encore à quelque chose, à l'amour d'une femme, un tas de bêtises dans lesquelles vous allez vous embarbouiller. Nous nous serions battus, pas vrai? Vous auriez pu me tuer. Supposez que je sois en terre. Où seriez-vous? Il faudrait décamper, aller en Suisse, manger l'argent du papa qui n'en a guère. Je vais vous éclairer, moi, la position dans laquelle vous êtes. Mais je vais le faire avec la supériorité d'un homme qui, après avoir examiné les choses d'ici-bas, a vu qu'il n'y avait que 2 parties à prendre, ou une stupide obéissance ou la révolte. Je n'obéis à rien. Est-ce clair? Savez-vous ce qu'il vous faut à vous au train où vous allez? 1 million, et promptement. Sans quoi, avec votre petite tête, nous pourrions aller flâner dans les filets de Saint-Cloud pour voir s'il y a un être suprême. Ce million, je vais vous le donner. Il fit une pause en regardant Eugène. Ah ah, vous faites de meilleures mines à votre petit papa Vautrin. En entendant ce mot-là, vous êtes comme une jeune fille à qui l'on dit. À ce soir, et qui se toilette en se pourléchant comme un chat qui boit du lait. Ah, la bonne heure, allons donc, à nous deux. Voici votre compte, jeune homme. Nous avons là-bas papa, maman, grand-tante, 2 sœurs, 18 et 17 ans, 2 petits frères, 15 et 10 ans. Voilà le contrôle de l'équipage. La tante élève vos sœurs. Le curé vient apprendre le latin aux 2 frères. La famille mange plus de bouillie de marron que de pain blanc. Le papa ménage ses culottes. Maman se donne à peine une robe d'hiver et une robe d'été. Nos sœurs font comme elles peuvent. Je sais tout, j'ai été dans le midi. Les choses sont comme cela chez vous. Si l'on vous envoie 1200 francs par an et que votre terrine ne rapporte que 3000 francs, nous avons une cuisinière et un domestique. Il faut garder le décorum. Papa est baron. Quant à nous, nous avons de l'ambition. Nous avons les Beaucéans pour allier, nous allons à pied. Nous voulons la fortune et nous n'avons pas le sou. Nous mangeons les ratatouilles de maman Vauquier et nous aimons les beaux dîners du faubourg Saint-Germain. Nous couchons sur un grabat et nous voulons un hôtel. Je ne blâme pas vos vouloirs. Avoir de l'ambition, mon petit cœur, ce n'est pas donné à tout le monde. Demandez aux femmes quels hommes elles recherchent, les ambitieux. Les ambitieux ont les reins plus forts, le sang plus riche en fer, le cœur plus chaud que ceux des autres hommes. Et la femme se trouve si heureuse et si belle aux heures où elle est forte qu'elle préfère à tous les hommes celui dont la force est énorme, fût-elle en danger d'être brisée par lui. Je fais l'inventaire de vos désirs afin de vous poser la question. Cette question la voici. Nous avons une faim de loup. Nos quenottes sont incisives. Comment nous y prendrons-nous pour approvisionner la marmite? Nous avons d'abord le code à manger. Ce n'est pas amusant et ça n'apprend rien. Mais il le faut. Soit.

Une rapide fortune est le problème que se proposent de résoudre en ce moment 50 000 jeunes gens qui se trouvent tous dans votre position. Vous êtes une unité de ce nombre-là. Jugez des efforts que vous avez à faire et de l'acharnement du combat. Il faut vous manger les uns les autres comme des araignées dans un pot. Attendu qu'il n'y a pas 50 000 bonnes places. Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon, ou s'y glisser comme une peste. L'honnêteté ne sert à rien. L'on plie sous le pouvoir du génie. On le hait. On tâche de le calomnier, parce qu'il prend sans partager. Mais on plie s'il persiste. En un mot, on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. La corruption est en force. Le talent est rare. Ainsi, la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont 6 000 francs d'appointement pour tout potage et qui dépensent plus de 10 000 francs à leur toilette. Vous verrez des employés à 1 200 francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a 50 000 livres de rente. Je vous défie de faire 2 pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parierai ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guépier chez la première femme qui vous plaira, fût-elle riche, belle et jeune. Toutes sont bricolées par les lois, en guerre avec leur mari à propos de tout. Je n'en finirai pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité, rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? À Paris, l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne, sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu. Certes, là est la vertu dans toute la fleur de sa bêtise, mais là est la misère. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s'enrichir, il s'agit ici de jouer de grands coups. Autrement, Carotte, et votre serviteur, si dans les 100 professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre 10 hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle qu'elle est. Ce n'est pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant. Et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. Sachez seulement vous bien débarbouiller. Là est toute la morale de notre époque. Si je vous parle ainsi du monde, il m'en a donné le droit, je le connais. Croyez-vous que je le blâme? Du tout. Il a toujours été ainsi. Les moralistes ne le changeront jamais. L'homme est imparfait. Il est parfois plus ou moins hypocrite. Il est niaiste alors qu'il a ou n'a pas de mœurs. Je n'accuse pas les riches en faveur du peuple. L'homme est le même en haut, en bas, au milieu. Il se rend compte par chaque million de ce haut bétail 10 lurons qui se mettent au-dessus de tout, même des lois. J'en suis. Vous, si vous êtes un homme supérieur, allez en droite ligne et la tête haute. Mais il faudra lutter contre l'envie, la calomnie, la médiocrité, contre tout le monde. Napoléon a rencontré un ministre de la guerre qui s'appelait Aubry et qui a failli l'envoyer aux colonies. Tâtez-vous. Voyez si vous pourrez vous lever tous les matins avec plus de volonté que vous n'en aviez la veille. Dans ces conjonctures, je vais vous faire une proposition que personne ne refuserait. Écoutez bien. Moi, voyez-vous, j'ai une idée. Mon idée est d'aller vivre de la vie patriarcale au milieu d'un grand domaine. 100 000 arpents. Par exemple, aux États-Unis, dans le Sud. Je veux m'y faire planteur, avoir des esclaves, gagner quelques bons petits millions à vendre mes bœufs, mon tabac, mes bois, en vivant comme un souverain, en faisant mes volontés, en menant une vie qu'on ne conçoit pas ici, où l'on se tapit dans un terrier de plâtre. Je suis un grand poète. Mes poésies, je ne les écris pas. Elles consistent en actions et en sentiments. Je possède en ce moment 50 000 francs qui me donneraient à peine 40 nègres. J'ai besoin de 200 000 francs parce que je veux 200 nègres, afin de satisfaire mon goût pour la vie patriarcale. Des nègres, voyez-vous, c'est des enfants tout venus dont on fait ce qu'on veut, sans qu'un curieux de procureur du roi arrive vous en demander compte. Avec ce capital noir, en 10 ans, j'aurai 3 ou 4 millions. Si je réussis, personne ne me demandera « Qui es-tu ?» Je serai monsieur 4 millions, citoyen des États-Unis. J'aurai 50 ans. Je ne serai pas encore pourri. Je m'amuserai à ma façon. En 2 mots, si je vous procure une dot d'1 million, me donnerez-vous 200 000 francs ? 20% de commission. Hein ? Est-ce trop cher ? Vous vous ferez aimer de votre petite femme. Une fois mariée, vous manifesterez des inquiétudes, des remords. Vous ferez le triste pendant 15 jours. Une nuit, après quelques singeries, vous déclarerez entre 2 baisers 200 000 francs de dette à votre femme en lui disant « Mon amour, ce vaudeville est joué tous les jours par les jeunes gens les plus distingués. Une jeune femme ne refuse pas sa bourse à celui qui lui prend le cœur. Croyez-vous que vous y perdrez ? Non. Vous trouverez le moyen de regagner vos 200 000 francs dans une affaire. Avec votre argent et votre esprit, vous amasserez une fortune aussi considérable que vous pourrez la souhaiter. Ergo, vous aurez fait. En 6 mois de temps, votre bonheur, celui d'une femme aimable et celui de votre papa Vautrin, sans compter celui de votre famille qui souffle dans ses doigts l'hiver, faute de bois. Ne vous étonnez ni de ce que je vous propose, ni de ce que je vous demande. Sur 60 beaux mariages qui ont lieu dans Paris, il y en a 47 qui donnent lieu à des marchés semblables. La chambre des notaires a forcé monsieur. Que faut-il que je fasse ? Dit avidement Rastignac en interrompant Vautrin. Presque rien, répondit cet homme en laissant échapper un mouvement de joie semblable à la sourde expression d'un pêcheur qui sent un poisson au bout de sa ligne. Écoutez-moi bien. Le cœur d'une pauvre fille malheureuse et misérable est l'éponge la plus avide à se remplir d'amour. Une éponge sèche qui se dilate aussitôt qu'il y tombe une goutte de sentiment. Faire la cour à une jeune personne qui se rencontre dans des conditions de solitude, de désespoir et de pauvreté sans qu'elle se doute de sa fortune à venir. Dame, c'est quinte et 14 en main. C'est connaître les numéros à la loterie. C'est jouer sur les rentes en sachant les nouvelles. Vous construisez sur pilotis un mariage indestructible. Viennent des millions à cette jeune fille. Elle vous les jetera aux pieds comme si c'était des cailloux. Prends, mon bien-aimé, prends, Adolphe, prends, Alfred, prends, Eugène, dira-t-elle si Adolphe, Alfred ou Eugène ont eu le bon esprit de se sacrifier pour elle. Ce que j'entends par des sacrifices, c'est vendre un vieil habit afin d'aller au cadran bleu manger ensemble des croûtes aux champignons. De là, le soir, l'ambigu comique. C'est mettre sa montre au mont de piété pour lui donner un châle. Je ne vous parle pas du gribouillage de l'amour ni des fariboles auxquelles tiennent tant les femmes. Comme, par exemple, de répandre des gouttes d'eau sur le papier à lettres en manière de larmes, quand on est loin d'elles. Vous m'avez l'air de connaître parfaitement l'argot du cœur. Paris, voyez-vous, est comme une forêt du Nouveau Monde où s'agitent 20 espèces de peuplades sauvages, les Illinois, les Hurons, qui vivent du produit que donnent les différentes chasses sociales. Vous êtes un chasseur de millions. Pour les prendre, vous usez de pièges, de pipeaux, d'appeaux. Il y a plusieurs manières de chasser. Les uns chassent à la dot, les autres chassent à la liquidation. Ceux-ci pêchent des consciences, ceux-là vendent leurs abonnés, pieds et poings liés. Celui qui revient avec sa gypsière bien garnie est salué, fêté, reçu dans la bonne société. Rendons justice à ce sol hospitalier. Vous avez affaire à la ville la plus complaisante qui soit dans le monde. Si les fières aristocraties de toutes les capitales de l'Europe refusent d'admettre dans leur rang un millionnaire infâme, Paris lui tend les bras, court à ses fêtes, mange ses dîners et trinque avec son infamie. « Mais où trouver une fille ?» dit Eugène. « Elle est à vous, devant vous. »« Mademoiselle Victorine ?»« Juste. »« Et comment ?»« Elle vous aime déjà, votre petite baronne de Rastignac. » »« Elle n'a pas un sou, » reprit Eugène étonné. « Ah, nous y voilà. Encore deux mots, dit Vautrin, et tout s'éclaircira. Le père Taillefer est un vieux coquin qui passe pour avoir assassiné l'un de ses amis pendant la Révolution. C'est un de mes gaillards qui ont de l'indépendance dans les opinions. Il est banquier, principal associé de la maison Frédéric Taillefer et compagnie. Il a un fils unique auquel il veut laisser son bien au détriment de Victorine. Moi, je n'aime pas ces injustices-là. Je suis comme Don Quichotte. J'aime à prendre la défense du faible contre le fort. Si la volonté de Dieu était de lui retirer son fils, Taillefer reprendrait sa fille. Il voudrait un héritier quelconque, une bêtise qui est dans la nature, et il ne peut plus avoir d'enfants, je le sais. Victorine est douce et gentille. Elle aura bientôt entortillé son père et le fera tourner comme une toupie d'Allemagne avec le fouet du sentiment. Elle sera trop sensible à votre amour pour vous oublier. Vous l'épouserez. Moi, je me charge du rôle de la Providence. Je ferai vouloir le bon Dieu. J'ai un ami pour qui je me suis dévouée, un colonel de l'armée de la Loire qui vient d'être employé dans la garde royale. Il écoute mes avis et s'est fait ultra-royaliste. Ce n'est pas un de ces imbéciles qui tiennent à leurs opinions. Si j'ai encore un conseil à vous donner, mon ange, c'est de ne pas plus tenir à vos opinions qu'à vos paroles. Quand on vous les demandera, vendez-les. Un homme qui se vante de ne jamais changer d'opinion est un homme qui se charge d'aller toujours en ligne droite, un niais qui croit à l'infaillibilité. Il n'y a pas de principe, il n'y a que des événements. Il n'y a pas de loi, il n'y a que des circonstances. L'homme supérieur épouse les événements et les circonstances pour les conduire. S'il y avait des principes et des lois fixes, les peuples n'en changeraient pas comme nous changeons de chemise. L'homme n'est pas tenu d'être plus sage que toute une nation. L'homme qui a rendu le moins de service à la France est un fétiche vénéré pour avoir toujours vu en rouge. Il est tout au plus bon à mettre au conservatoire, parmi les machines en l'étiquetant Lafayette. Tandis que le prince auquel chacun lance sa pierre et qui méprise assez l'humanité pour lui cracher au visage autant de serments qu'elle en demande, a empêché le partage de la France au congrès de Vienne. On lui doit des couronnes, on lui jette de la boue. Oh, je connais les affaires, moi. J'ai les secrets de bien des hommes. Suffit. J'aurai une opinion inébranlable le jour où j'aurai rencontré trois têtes d'accord sur l'emploi d'un principe. Et j'attendrai longtemps. L'on ne trouve pas dans les tribunaux trois juges qui aient le même avis sur un article de loi. Je reviens à mon homme. Il remettrait Jésus-Christ en croix si je lui disais. Sur un seul mot de son papa Vautrin, il cherchera querelle à ce drôle qui n'envoie pas seulement 100 sous à sa pauvre sœur, et... Ici, Vautrin se leva, se mit en garde et fit le mouvement d'un maître d'armes qui se fend. « Et à l'ombre !» ajouta-t-il. « Quelle horreur ! » dit Eugène. « Vous voulez plaisanter, monsieur Vautrin ?»« Là, là, là, du calme !» reprit cet homme. « Ne faites pas l'enfant. Cependant, si cela peut vous amuser, courroucez-vous, emportez-vous. Dites que je suis un infâme, un scélérat, un coquin, un bandit. Mais ne m'appelez ni escroc ni espion. Allez, dites, lâchez votre bordée, je vous pardonne. C'est si naturel à votre âge. J'ai été comme ça, moi. Seulement réfléchissez. Vous ferez pis quelques jours. Vous irez cocoter chez quelques jolies femmes et vous recevrez de l'argent. Vous y avez pensé, dit Vautrin. Car comment réussirez-vous si vous n'escomptez pas votre amour? La vertu, mon cher étudiant, ne se scinde pas. Elle est ou n'est pas. On nous a parlé de faire pénitence de nos fautes. Encore un joli système que celui en vertu duquel on est quitte d'un crime avec un acte de contrition. C'est dur une femme pour arriver à vous poser sur un tel bâton de l'échelle sociale, jeter la zizanie entre les enfants d'une famille, Enfin, toutes les infamies qui se pratiquent sous le manteau d'une cheminée ou autrement dans un but de plaisir ou d'intérêt personnel, croyez-vous que ce soit des actes de foi, d'espérance et de charité? Pourquoi 2 mois de prison au dandy qui, dans une nuit, ôte à un enfant la moitié de sa fortune? Et pourquoi le bagne au pauvre diable qui vole un billet de 1 000 francs avec les circonstances aggravantes? Voilà vos lois. Il n'y a pas un article qui n'arrive à l'absurde. L'homme en gants et à paroles jaunes a commis des assassinats où l'on ne verse pas de sang, mais où l'on en donne. L'assassin a ouvert une porte avec un monseigneur. 2 choses nocturnes. Entre ce que je vous propose et ce que vous ferez un jour, il n'y a que le sang de moins. Vous croyez à quelque chose de fixe dans ce monde-là? Méprisez donc les hommes et voyez les mailles par où l'on peut passer à travers le réseau du code. Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié parce qu'il a été proprement fait. Silence, monsieur, je ne veux pas entendre davantage. Vous me feriez douter de moi-même. En ce moment, le sentiment est toute ma science. À votre aise, bel enfant. Je vous croyais plus fort, dit Vautrin. Je ne vous dirai plus rien. Un dernier mot, cependant. Il regarda fixement l'étudiant. Vous avez mon secret, lui dit-il. Un jeune homme qui vous refuse saura bien l'oublier. Vous avez bien dit cela, ça me fait plaisir. Un autre, voyez-vous, sera moins scrupuleux. « Souvenez-vous de ce que je veux faire pour vous. Je vous donne 15 jours. C'est à prendre ou à laisser. » « Quelle tête de fer a donc cet homme ?» se dit Rastignac en voyant Vautrin s'en aller tranquillement, sa canne sous le bras. « Il m'a dit crûment ce que Madame de Beauséant me disait en y mettant des formes. Il me déchirait le cœur avec des griffes d'acier. Pourquoi veux-je aller chez Madame de Nucingen ? Il a deviné mes motifs aussitôt que je les ai conçus. En 2 mots, ce brigand m'a dit plus de choses sur la vertu que ne m'en ont dit les hommes et les livres. Si la vertu ne souffre pas de capitulation, j'ai donc volé mes sœurs ? Dit-il en jetant le sac sur la table. Il s'assit et resta là, plongé dans une étourdissante méditation. Être fidèle à la vertu ? Martyr sublime ? Bah ! Tout le monde croit à la vertu. Mais qui est vertueux? Les peuples ont la liberté pour idole. Mais où est sur la terre un peuple libre? Ma jeunesse est encore bleue comme un ciel sans nuages. Vouloir être grand ou riche, n'est-ce pas se résoudre à mentir, plier, ramper, se redresser, flatter, dissimuler? N'est-ce pas consentir à se faire le valet de ceux qui ont menti, plié, rampé? Avant d'être leur complice, il faut les servir. Eh bien non, je veux travailler noblement, saintement. Je veux travailler jour et nuit, ne devoir ma fortune qu'à mon labeur. Ce sera la plus lente des fortunes. Mais chaque jour, ma tête reposera sur mon oreiller sans une mauvaise pensée. Qu'y a-t-il de plus beau que de contempler sa vie et de la trouver pure comme un lys? Moi et la vie, nous sommes comme un jeune homme et sa fiancée. Vautrin m'a fait voir ce qui arrive après 10 ans de mariage. Diable ! Ma tête se perd. Je ne veux penser à rien. Le cœur est un bon guide. Eugène fut tiré de sa rêverie par la voix de la grosse Sylvie qui lui annonça son tailleur, devant lequel il se présenta, tenant à la main ses 2 sacs d'argent. Et il ne fut pas fâché de cette circonstance. Quand il eut essayé ses habits du soir, il remit sa nouvelle toilette du matin, qui le métamorphosait complètement. « Je vaux bien monsieur de Trailles, » se dit-il. « Enfin, j'ai l'air d'un gentilhomme. »« Monsieur, » dit le père Goriot en entrant chez Eugène, « vous m'avez demandé si je connaissais les maisons où va Madame de Nucingen. » « Oui. »« Eh bien, elle va lundi prochain au bal du maréchal Carigliano. » Si vous pouvez y être, vous me direz si mes 2 filles se sont bien amusées. Comment elles seront mises? Enfin, tout. Comment avez-vous su cela, mon bon père Goriot? Dit Eugène en le faisant asseoir à son feu. Sa femme de chambre me l'a dit. Je sais tout ce qu'elles font par Thérèse et par Constance, reprit-il d'un air joyeux. Le vieillard ressemblait à un amant encore assez jeune pour être heureux d'un stratagème qui le met en communication avec sa maîtresse sans qu'elle puisse s'en douter. « Vous les verrez, vous, » dit-il en exprimant avec naïveté une douloureuse envie. « Je ne sais pas, » répondit Eugène. « Je vais aller chez Madame de Beauséant lui demander si elle peut me présenter à la maréchale. » Eugène pensait avec une sorte de joie intérieure à se montrer chez la vicomtesse, mis comme il le saurait désormais. Ce que les moralistes nomment les abîmes du cœur humain sont uniquement les décevantes pensées, les involontaires mouvements de l'intérêt personnel. Ces péripéties, le sujet de tant de réclamations, ces retours soudains sont des calculs faits au profit de nos jouissances. En se voyant bien mis, bien ganté, bien botté, Rastignac oublia sa vertueuse résolution. La jeunesse n'ose pas se regarder au miroir de la conscience quand elle verse du côté de l'injustice. Tandis que l'âge mûr s'y est vu, là agit toute la différence entre ces deux phases de la vie. Depuis quelques beaux jours, les deux voisins, Eugène et le père Goriot, étaient devenus bons amis. Leur secrète amitié tenait aux raisons psychologiques qui avaient engendré des sentiments contraires entre Vautrin et l'étudiant. Le hardi philosophe qui voudra constater les effets de nos sentiments dans le monde physique trouvera sans doute plus d'une preuve de leur effective matérialité dans les rapports qu'ils créent entre nous et les animaux. Quel physiognomoniste est plus prompt à deviner un caractère qu'un chien l'est à savoir si un inconnu l'aime ou ne l'aime pas? Les atomes crochus, expressions proverbiales dont chacun se sert, sont un de ces faits qui restent dans les langages pour démentir les niaiseries philosophiques dont s'occupent ceux qui aiment vanner les épluchures des mots primitifs. On se sent aimé. Le sentiment, on s'emprunt en toutes choses et traverse les espaces. Une lettre est une âme. Elle est un si fidèle écho de la voix qui parle que les esprits délicats la comptent parmi les plus riches trésors de l'amour. Le père Goriot, que son sentiment irréfléchi élevait jusqu'au sublime de la nature canine, avait flairé la compassion, l'admirative bonté, les sympathies juvéniles qui s'étaient émues pour lui dans le cœur de l'étudiant. Cependant, cette union naissante n'avait encore amené aucune confidence. Si Eugène avait manifesté le désir de voir Madame de Nucingen, ce n'était pas qu'il comptât sur le vieillard pour être introduit par lui chez elle. Mais il espérait qu'une indiscrétion pourrait le bien servir. Le père Goriot ne lui avait parlé de ses filles qu'à propos de ce qu'il s'était permis d'en dire, publiquement, le jour de ses deux visites. « Mon cher monsieur, lui avait-il dit le lendemain, comment avez-vous pu croire que Madame de Restaud vous en ait voulu d'avoir prononcé mon nom? Mes deux filles m'aiment bien. Je suis un heureux père. Seulement, mes deux gens se sont mal conduits envers moi. Je n'ai pas voulu faire souffrir ces chères créatures de mes dissensions avec leur mari, et j'ai préféré les voir en secret. Ce mystère me donne mille jouissances que ne comprennent pas les autres pères qui peuvent voir leurs filles quand ils veulent. Moi, je ne le peux pas, comprenez-vous? Alors je vais, quand il fait beau, dans les Champs-Élysées, après avoir demandé aux femmes de chambre si mes filles sortent. Je les attends au passage. Le cœur me bat quand les voitures arrivent. Je les admire dans leur toilette. Elles me jettent en passant un petit rire qui me dore la nature comme s'il y tombait un rayon de quelque beau soleil. Et je reste. Elles doivent revenir. Je les vois encore. L'air leur a fait du bien. Elles sont roses. J'entends dire autour de moi, « Voilà une belle femme !» Ça me réjouit le cœur. N'est-ce pas mon sang ? J'aime les chevaux qui les traînent. Et je voudrais être le petit chien qu'elles ont sur leurs genoux. Je vis de leur plaisir. Chacun a sa façon d'aimer. La mienne ne fait pourtant de mal à personne. Pourquoi le monde s'occupe-t-il de moi? Je suis heureux à ma manière. Est-ce contre les lois que j'aille voir mes filles, le soir, au moment où elles sortent de leur maison, pour se rendre au bal? Quel chagrin pour moi si j'arrive trop tard. Et qu'on me dise, « Madame est sortie ». Un soir, j'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin pour voir Nasie, que je n'avais pas vue depuis 2 jours. J'ai manqué crever d'aise. Je vous en prie, ne parlez de moi que pour dire combien mes filles sont bonnes. Elles veulent me combler de toutes sortes de cadeaux. Je les en empêche. Je leur dis, gardez donc votre argent. Que voulez-vous que j'en fasse? Il ne me faut rien. En effet, mon cher monsieur, que suis-je? Un méchant cadavre dont l'âme est partout où sont mes filles. Quand vous aurez vu Madame de Nucingen, vous me direz celle des deux que vous préférez. Dit le bonhomme après un moment de silence en voyant Eugène qui se disposait à partir pour aller se promener aux Tuileries en attendant l'heure de se présenter chez Madame de Beauséant. Cette promenade fut fatale à l'étudiant. Quelques femmes le remarquèrent. Il était si beau, si jeune, et d'une élégance de si bon goût. En se voyant l'objet d'une attention presque admirative, il ne pensa plus à ses sœurs, ni à sa tante dépouillée, ni à ses vertueuses répugnances. Il avait vu passer au-dessus de sa tête ce démon qu'il est si facile de prendre pour un ange, ce Satan aux ailes diaprées, qui sème des rubis, qui jette ses flèches d'or au front des palais, en pourpre les femmes, revêt d'un sot éclat les trônes, si simples dans leur origine. Il avait écouté le dieu de cette vanité crépitante dont le clinquant nous semble être un symbole de puissance. La parole de Vautrin, quelque cynique qu'elle fût, s'était logée dans son cœur comme dans le souvenir d'une vierge se grave le profil ignoble d'une vieille marchande à la toilette qui lui a dit « Or et amour, à flot !» Après avoir indolemment flâné vers 5 heures, Eugène se présenta chez Madame de Beauséant et il y reçut un de ces coups terribles contre lesquels les cœurs jeunes sont sans armes. Il avait jusqu'alors trouvé la vicomtesse pleine de cette aménité polie, de cette grâce mellifluée, donnée par l'éducation aristocratique et qui n'est complète que si elle vient du cœur. Quand il entra, Madame de Beauséant fit un geste sec et lui dit d'une voix brève « Monsieur de Rastignac, il m'est impossible de vous voir en ce moment, du moins. Je suis en affaire. » Pour un observateur, et Rastignac l'était devenu promptement, cette phrase, le geste, le regard, l'inflexion de voix était l'histoire du caractère et des habitudes de la caste. Il aperçut la main de fer sous le gant de velours, la personnalité et l'égoïsme sous les manières, le bois sous le vernis. Il entendit enfin le moi, le roi, qui commence sous les panaches du trône et finit sous le cimier du dernier gentilhomme. Eugène s'était trop facilement abandonné sur sa parole à croire aux noblesses de la femme. Comme tous les malheureux, il avait signé de bonne foi le pacte délicieux qui doit lier le bienfaiteur à l'obligé et dont le premier article consacre entre les grands cœurs une complète égalité. La bienséance qui réunit 2 êtres en un seul est une passion céleste aussi incomprise, aussi rare que l'est le véritable amour. L'un et l'autre est la prodigalité des belles âmes. Rastignac voulait arriver au bal de la duchesse de Carigliano. Il dévora cette bourrasque. « Madame, dit-il d'une voix émue, s'il ne s'agissait pas d'une chose importante, je ne serais pas venu vous importuner. Soyez assez gracieuse pour me permettre de vous voir plus tard. J'attendrai. Eh bien, venez dîner avec moi, dit-elle un peu confuse de la dureté qu'elle avait mise dans ses paroles, car cette femme était vraiment aussi bonne que grande. Quoique touché de ce retour soudain, Eugène se dit en s'en allant « Rampe, supporte tout. Que doivent être les autres si dans un moment la meilleure des femmes efface les promesses de son amitié, te laisse là comme un vieux soulier ? Chacun pour soi, donc. Il est vrai que sa maison n'est pas une boutique et que j'ai tort d'avoir besoin d'elle. Il faut, comme dit Vautrin, se faire boulet de canon. » Les amères réflexions de l'étudiant furent bientôt dissipées par le plaisir qu'il se promettait en dînant chez la vicomtesse. Ainsi, par une sorte de fatalité, les moindres événements de sa vie conspiraient à le pousser dans la carrière, où, suivant les observations du terrible sphinx de la maison Vouquet, il devait, comme sur un champ de bataille, tuer pour ne pas être tué, tromper pour ne pas être trompé, où il devait déposer à la barrière sa conscience, son cœur, mettre un masque, se jouer sans pitié des hommes, et comme à Lacédémone, saisir sa fortune sans être vu, pour mériter la couronne. Quand il revint chez la vicomtesse, il la trouva pleine de cette bonté gracieuse qu'elle lui avait toujours témoignée. Tous deux allèrent dans une salle à manger où le vicomte attendait sa femme, et où resplendissait ce luxe de table qui, sous la Restauration, fut poussé, comme chacun le sait, au plus haut degré. Monsieur de Beauséant, semblable à beaucoup de gens blasés, n'avait plus guère d'autres plaisirs que ceux de la bonne chère. Il était en fait de gourmandise de l'école de Louis XVIII et du duc d'Escars. Sa table offrait donc un double luxe, celui du contenant et celui du contenu. Jamais semblable spectacle n'avait frappé les yeux d'Eugène, qui dînait pour la première fois dans une de ces maisons où les grandeurs sociales sont héréditaires. La mode venait de supprimer les soupers qui terminaient parfois les bals de l'Empire, où les militaires avaient besoin de prendre des forces pour se préparer à tous les combats qui les attendaient, au-dedans comme au-dehors. Eugène n'avait encore assisté qu'à des bals. L'aplomb qui le distingua plus tard si éminemment et qu'il commençait à prendre l'empêcha de s'ébahir niaisement. Mais en voyant cette argenterie sculptée et les mille recherches d'une table somptueuse, en admirant pour la première fois un service fait sans bruit, il était difficile à un homme d'ardente imagination de ne pas préférer cette vie constamment élégante à la vie de privation qu'il voulait embrasser le matin. Sa pensée le rejeta pendant un moment dans sa pension bourgeoise. Il en eut une si profonde horreur qu'il se jura de la quitter au mois de janvier, autant pour se mettre dans une maison propre que pour fuir Vautrin, dont il sentait la large main sur son épaule. Si l'on vient à songer aux mille formes que prend à Paris la corruption, parlante ou muette, un homme de bon sens se demande par quelle aberration l'État y met des écoles, y assemble des jeunes gens. Comment les jolies femmes y sont respectées? Comment l'or étalé par les changeurs ne s'envole pas magiquement de leurs sébiles? Mais si l'on vient à songer qu'il est peu d'exemples de crimes, voire même de délits commis par les jeunes gens, de quel respect ne doit-on pas être pris pour ces patients tantales qui se combattent eux-mêmes et sont presque toujours victorieux? S'il était bien peint dans sa lutte avec Paris, le pauvre étudiant fournirait un des sujets les plus dramatiques de notre civilisation moderne. Madame de Beauséant regardait vainement Eugène pour le convier à parler et ne voulut rien dire en présence du vicomte. « Me menez-vous ce soir aux Italiens ?» demanda la vicomtesse à son mari. « Vous ne pouvez douter du plaisir que j'aurai à vous obéir, » répondit-il avec une galanterie moqueuse dont l'étudiant fut la dupe. « Mais je dois aller rejoindre quelqu'un aux variétés. »« Sa maîtresse, » se dit-elle. « Vous n'avez donc pas d'adjudas ce soir ?» demanda le vicomte. « Non, » répondit-elle avec humeur. « Eh bien, s'il vous faut absolument un bras, prenez celui de monsieur de Rastignac. » La vicomtesse regarda Eugène en souriant. « Ce sera bien compromettant pour vous, » dit-elle. « Le Français aime le péril parce qu'il y trouve la gloire, » a dit monsieur de Chateaubriand, répondit Rastignac en s'inclinant. Quelques moments après, il fut emporté près de madame de Beauséant, dans un coupé rapide au théâtre à la mode, et crut à quelque féerie lorsqu'il entra dans une loge de face et qu'il se vit le but de toutes les lorgnettes concurremment avec la vicomtesse, dont la toilette était délicieuse. Il marchait d'enchantement en enchantement. « Vous avez à me parler ?» lui dit madame de Beauséant. « Ah, tenez, voici madame de Nucingen à trois loges de la nôtre. Sa sœur et monsieur de Trailles sont de l'autre côté. » En disant ces mots, la vicomtesse regardait la loge où devait être mademoiselle de Rochefide, et n'y voyant pas monsieur d'Adjuda, sa figure prit un éclat extraordinaire. « Elle est charmante, » dit Eugène, après avoir regardé madame de Nucingen. Elle a les cils blonds. Oui, mais quelle jolie taille mince. Elle a de grosses mains. Les beaux yeux. Elle a le visage en long. Mais la forme longue a de la distinction. Cela est heureux pour elle qu'il y en ait là. Voyez comment elle prend et quitte son lorgnon. Le goriot perce dans tous ses mouvements, dit la vicomtesse au grand étonnement d'Eugène. En effet, Madame de Beauséant lorgnait la salle et semblait ne pas faire attention à Madame de Nucingen, dont elle ne perdait cependant pas un geste. L'assemblée était exquisement belle. Delphine de Nucingen n'était pas peu flattée d'occuper exclusivement le jeune, le beau, l'élégant cousin de Madame de Beauséant. Il ne regardait qu'elle. Si vous continuez à la couvrir de vos regards, vous allez faire scandale, monsieur de Rastignac. Vous ne réussirez à rien si vous vous jetez ainsi à la tête des gens. Ma chère cousine, dit Eugène, vous m'avez déjà bien protégée. Si vous voulez achever votre ouvrage, je ne vous demande plus que de me rendre un service qui vous donnera peu de peine et me fera grand bien. Me voilà pris. Déjà ? Oui. Et de cette femme ? Mes prétentions seraient-elles donc écoutées ailleurs ? Dit-il en lançant un regard pénétrant à sa cousine. Madame la duchesse de Carigliano est attachée à Madame la duchesse de Bérire, reprit-il après une pause. Vous devez la voir. Ayez la bonté de me présenter chez elle et de m'amener au bal qu'elle donne lundi. J'y rencontrerai Madame de Nucingen et je livrerai ma première escarmouche. Volontiers, dit-elle. Si vous vous sentez déjà du goût pour elle, vos affaires de cœur vont très bien. Voici de Marsay dans la loge de la princesse Galationne. Madame de Nucingen est au supplice. Elle se dépite. Il n'y a pas de meilleur moment pour aborder une femme, surtout une femme de banquier. Ces dames de la chaussée d'Antin aiment toute la vengeance. Que feriez-vous donc, vous, en pareil cas ? Moi, je souffrirai en silence. En ce moment, le marquis d'Adjuda se présenta dans la loge de Madame de Beauséant. J'ai mal fait mes affaires afin de venir vous retrouver, dit-il, et je vous en instruis pour que ce ne soit pas un sacrifice. Les rayonnements du visage de la vicomtesse apprirent à Eugène à reconnaître les expressions d'un véritable amour et à ne pas les confondre avec les simagrées de la coquetterie parisienne. Il admira sa cousine, devint muet et céda sa place à M. d'Adjuda en soupirant. Quelle noble, quelle sublime créature est une femme qui aime ainsi, se dit-il. Et cet homme la trahirait pour une poupée? Comment peut-on la trahir? Il se sentit au cœur une rage d'enfant. Il aurait voulu se rouler aux pieds de Madame de Beauséant. Il souhaitait le pouvoir des démons afin de l'emporter dans son cœur, comme un aigle enlève de la plaine dans son air une jeune chèvre blanche qui tète encore. Il était humilié d'être dans ce grand musée de la beauté sans son tableau, sans une maîtresse à lui. Avoir une maîtresse est une position quasi royale, se disait-il. C'est le signe de la puissance. Et il regarda Madame de Nucingen comme un homme insulté regarde son adversaire. La vicomtesse se retourna vers lui pour lui adresser sur sa discrétion 1000 remerciements dans un clignement d'yeux. Le premier acte était fini. Vous connaissez assez Madame de Nucingen pour lui présenter Monsieur de Rastignac, dit-elle au marquis d'Adjuda. Mais elle sera charmée de voir monsieur, dit le marquis. Le beau portugais se leva, prit le bras de l'étudiant qui, en un clin d'œil, se trouva auprès de Madame de Nucingen. Madame la baronne, dit le marquis, j'ai l'honneur de vous présenter le chevalier Eugène de Rastignac. Un cousin de la vicomtesse de Beauséant. Vous faites une si vive impression sur lui que j'ai voulu compléter son bonheur en le rapprochant de son idole. Ces mots furent dits avec un certain accent de raillerie qui en faisait passer la pensée un peu brutale, mais qui, bien sauvé, ne déplaît jamais à une femme. Madame de Nucingen sourit et offrit à Eugène la place de son mari qui venait de sortir. « Je n'ose pas vous proposer de rester près de moi, monsieur, lui dit-elle. Quand on a le bonheur d'être auprès de Madame de Beauséant, on y reste. » « Mais, lui dit à voix basse Eugène, il me semble, madame, que si je veux plaire à ma cousine, je demeurerai près de vous. Avant l'arrivée de monsieur le marquis, nous parlions de vous et de la distinction de toute votre personne, dit-il à haute voix. Monsieur d'Adjuda se retira. « Vraiment, monsieur ? » dit la baronne. « Vous allez me rester ? Nous ferons donc connaissance ? »

les quelques paroles qu'il lui dit et le changement de sa physionomie, ordinairement semblable à un masque de plâtre, surprirent les pensionnaires. Vautrin, qui revoyait l'étudiant pour la première fois depuis leur conférence, semblait vouloir lire dans son âme. En se souvenant du projet de cet homme, Eugène, qui avant de s'endormir avait pendant la nuit mesuré le vaste champ qui s'ouvrait à ses regards, pensa nécessairement à la dot de Mademoiselle Taillefer, et ne put s'empêcher de regarder Victorine comme le plus vertueux jeune homme regarde une riche héritière. Par hasard, leurs yeux se rencontrèrent. La pauvre fille ne manqua pas de trouver Eugène charmant dans sa nouvelle tenue. Le coup d'œil qu'ils échangèrent fut assez significatif pour que Rastignac ne douta pas d'être pour elle l'objet de ses confus désirs qui atteignent toute jeune fille et qu'elle rattache au premier être séduisant. Une voix lui criait « 800 000 francs !» Mais tout à coup, il se rejeta dans ses souvenirs de la veille. Il pensa que sa passion de commande pour Madame de Nucingen était l'antidote de ses mauvaises pensées involontaires. L'on donnait hier aux Italiens le barbier de Séville, de Rossini. Je n'avais jamais entendu de si délicieuse musique, dit-il. Mon Dieu, est-on heureux d'avoir une loge aux Italiens? Le père Goriot saisit cette parole au vol comme un chien saisit un mouvement de son maître. Vous êtes comme des coqs en pâte, dit Madame Vauquier. Vous autres hommes, vous faites tout ce qui vous plaît. Comment êtes-vous revenu ? Demanda Vautrin. À pied, répondit Eugène. Moi, reprit le tentateur, je n'aimerais pas de demi-plaisir. Je voudrais aller là, dans ma voiture, dans ma loge, et revenir bien commodément. Tout ou rien, voilà ma devise. Et qui est bonne ? Reprit Madame Vauquier. Vous irez peut-être voir Madame de Nucingen, dit Eugène à voix basse à Goriot. Elle vous recevra, certes, à bras ouverts. Elle voudra savoir de vous 1000 petits détails sur moi. J'ai appris qu'elle ferait tout au monde pour être reçue chez ma cousine, Madame la Vicomtesse de Beauséant. N'oubliez pas de lui dire que je l'aime trop pour ne pas penser à lui procurer cette satisfaction. Rastignac s'en alla promptement à l'école de droit. Il voulait rester le moins de temps possible dans cette odieuse maison. Il flâna pendant toute la journée, en proie à cette fièvre de tête qu'ont connue les jeunes gens affectés de trop vives espérances. Les raisonnements de Vautrin le faisaient réfléchir à la vie sociale, au moment où il rencontra son ami Billanchon dans le jardin du Luxembourg. « Où as-tu pris cet air grave ?» lui dit l'étudiant en médecine en lui prenant le bras pour se promener devant le palais. « Je suis tourmenté par de mauvaises idées. »« En quel genre ?» Ça se guérit, les idées. Comment ? En y succombant. Tu ris sans savoir de quoi il s'agit. As-tu lu Rousseau ? Oui. Te souviens-tu de ce passage où il demande à son lecteur ce qu'il ferait au cas où il pourrait s'enrichir en tuant à la Chine, par sa seule volonté, un vieux mandarin, sans bouger de Paris ? Oui. Eh bien ? Bah, j'en suis à mon 33e mandarin. Ne plaisante pas. Allons, s'il t'était prouvé que la chose est possible et qu'il te suffit d'un signe de tête, le ferais-tu ? Est-il vieux, le mandarin ? Eh ben, jeune ou vieux, paralytique ou bien portant, ma foi, diante ! Eh bien, non. Tu es un brave garçon, Bianchon. Mais si tu aimais une femme à te mettre pour elle l'âme à l'envers et qu'il lui fallut de l'argent, beaucoup d'argent pour sa toilette, pour sa voiture, pour toutes ses fantaisies, enfin. Mais tu m'ôtes la raison, et tu veux que je raisonne ? Eh bien, Bianchon, je suis fou, guéris-moi. J'ai deux sœurs qui sont des anges de bonté, de candeur, et je veux qu'elles soient heureuses. Ou prendre 200 000 francs pour leur dot d'ici à 5 ans. Il est, vois-tu, des circonstances dans la vie où il faut jouer gros jeu et ne pas user son bonheur à gagner des sous. Mais tu poses la question qui se trouve à l'entrée de la vie pour tout le monde, et tu veux couper le nœud gordien avec l'épée. Pour agir ainsi, mon cher, il faut être Alexandre, sinon l'eau va au bagne. Moi, je suis heureux de la petite existence que je me créerai en province, où je succéderai tout bêtement à mon père. Les affections de l'homme se satisfont dans le plus petit cercle aussi pleinement que dans une immense circonférence. Napoléon ne dînait pas deux fois et ne pouvait pas avoir plus de maîtresse qu'en prend un étudiant en médecine quand il est interne au Capucin. Notre bonheur, mon cher, tiendra toujours entre la plante de nos pieds et notre occiput. Et qu'il coûte 1 million par an ou 100 louis, la perception intrinsèque en est la même au-dedans de nous. Je conclus à la vie du Chinois. Merci, tu m'as fait du bien, Bianchon. Nous serons toujours amis. Dis donc, reprit l'étudiant en médecine, en sortant du cours de Cuvier au Jardin des Plantes, je viens d'apercevoir la Michonneau et le Poiret, causant sur un banc avec un monsieur que j'ai vu dans les troubles de l'année dernière aux environs de la Chambre des députés, et qui m'a fait l'effet d'être un homme de la police déguisé en honnête bourgeois vivant de ses rentes. Étudions ce couple-là. Je te dirai pourquoi. Adieu, je vais répondre à mon appel de 4 heures. Quand Eugène revint à la pension, il trouva le père Goriot qui l'attendait. « Tenez, dit le bonhomme, voilà une lettre d'elle. Hein, la jolie écriture. » Eugène décacheta la lettre et lut. « Monsieur, mon père m'a dit que vous aimiez la musique italienne. Je serais heureux si vous vouliez me faire le plaisir d'accepter une place dans ma loge. Nous aurons samedi la Fodor et Pellegrini. Je suis sûre alors que vous ne me refuserez pas. Monsieur de Nucingen se joint à moi pour vous prier de venir dîner avec nous sans cérémonie. Si vous acceptez, vous le rendrez bien content de n'avoir pas à s'acquitter de sa corvée conjugale en m'accompagnant. Ne me répondez pas. Venez et agréez mes compliments. D de N. Montrez-la-moi, dit le bonhomme à Eugène quand il eut lu la lettre. Vous irez, n'est-ce pas? Ajouta-t-il après avoir flairé le papier. Cela sent-il bon? Ses doigts ont touché ça, pourtant. Une femme ne se jette pas ainsi à la tête d'un homme, se disait l'étudiant. Elle veut se servir de moi pour ramener de Marseille. Il n'y a que le dépit qui va se faire de ces choses-là. « Eh bien, dit le père Goriot, à quoi pensez-vous donc ?» Eugène ne connaissait pas le délire de vanité dont certaines femmes étaient saisies en ce moment, et ne savait pas que pour s'ouvrir une porte dans le faubourg Saint-Germain, la femme d'un banquier était capable de tous les sacrifices. À cette époque, la mode commençait à mettre au-dessus de toutes les femmes celles qui étaient admises dans la société du Faubourg Saint-Germain, dites les dames du Petit Château, parmi lesquelles Madame de Beauséant, son amie, la duchesse de Langeais, et la duchesse de Maufrigneuse, tenaient le premier rang. Rastignac seul ignorait la fureur dont étaient saisies les femmes de la chaussée d'Antin pour entrer dans le cercle supérieur où brillaient les constellations de leur sexe. Mais sa défiance lui servit bien. Elle lui donna de la froideur et le triste pouvoir de poser des conditions au lieu d'en recevoir. « Oui, j'irai, » répondit-il. Ainsi, la curiosité le menait chez Madame de Nucingen, tandis que si cette femme l'eût dédaigné, peut-être y aurait-il été conduit par la passion. Néanmoins, il n'attendit pas le lendemain et l'heure de partir sans une sorte d'impatience. Pour un jeune homme, il existe dans sa première intrigue autant de charme peut-être qu'il s'en rencontre dans un premier amour. La certitude de réussir engendre 1000 félicités que les hommes n'avouent pas et qui font le charme de certaines femmes. Le désir ne naît pas moins de la difficulté que de la facilité des triomphes. Toutes les passions des hommes sont bien certainement excitées ou entretenues par l'une ou l'autre de ces deux causes, qui divise l'empire amoureux. Peut-être cette division est-elle une conséquence de la grande question des tempéraments qui domine, quoi qu'on en dise, la société. Si les mélancoliques ont besoin du tonique des coquetteries, peut-être les gens nerveux ou sanguins décampent-ils si la résistance dure trop. En d'autres termes, l'élégie est aussi essentiellement lymphatique que le dithyrambe est bilieux. En faisant sa toilette, Eugène savoura tous ces petits bonheurs dont n'osent parler les jeunes gens, de peur de se faire moquer d'eux, mais qui chatouillent l'amour-propre. Il rangeait ses cheveux en pensant que le regard d'une jolie femme se coulerait sous leurs boucles noires. Il se permit des singeries enfantines, autant qu'en aurait fait une jeune fille en s'habillant pour le bal. Il regarda complaisamment sa taille mince en déplissant son habit. « Il est certain, se dit-il, qu'on ne peut trouver de plus mal tourné. » Puis il descendit au moment où tous les habitués de la pension étaient à table et reçut gaiement le hourra de sottise que sa tenue élégante excita. Un trait des mœurs particulières aux pensions bourgeoises est l'ébahissement qui cause une toilette soignée. Personne n'y met un habit neuf sans que chacun dise son mot. Fit Bianchon en faisant claquer sa langue contre son palais, comme pour exciter un cheval. « Tournure de duc et père !» dit Madame Bouquet. « Monsieur va en conquête ?» fit observer Mademoiselle Michonneau. « Coquerico !» cria le peintre. « Mes compliments à Madame votre épouse, » dit l'employé au muséum. « Monsieur a une épouse ?» demanda Poiret. « Une épouse à compartiment, qui va sur l'eau, garantie bon teint. » Dans les prix de 25 à 40 dessins à carreaux du dernier goût, susceptibles de se laver, d'un joli porté, moitié fil, moitié coton, moitié laine, guérissant le mal de dents, et autres maladies approuvées par l'Académie royale de médecine. Excellente d'ailleurs pour les enfants. Meilleure encore contre les maux de tête, les plénitudes et autres maladies de l'œsophage, des yeux et des oreilles, cria Vautrin avec la volubilité comique et l'accentuation d'un opérateur. « Mais combien cette merveille, me direz-vous, messieurs ? Deux sous ? Non, rien du tout. C'est un reste des fournitures faites au Grand Mongol. Et que tous les souverains de l'Europe, y compris le grand duc de Bade, ont voulu voir. Entrez droit devant vous et passez au petit bureau. Allez la musique. Boum, la la, twin, la la, boum, boum. Monsieur de la clarinette, tu joues faux. » reprit-il d'une voix enrouée. « Je te donnerai sur les doigts. »« Mon Dieu, que cet homme-là est agréable !» dit Madame Vauquier à Madame Couture. « Je ne m'ennuierai jamais avec lui. » Au milieu des rires et des plaisanteries, dont ce discours comiquement débité fut le signal, Eugène put saisir le regard furtif de Mademoiselle Taillefer qui se pencha sur Madame Couture, à l'oreille de laquelle elle dit quelques mots. « Voilà le cabriolet !» dit Sylvie. « Où dîne-t-il donc ?» demanda Bianchon. « Chez madame la baronne de Nucingen. »« La fille de monsieur Goriot, » répondit l'étudiant. À ce nom, les regards se portèrent sur l'ancien vermicellier qui contemplait Eugène avec une sorte d'envie. Rastignac arriva rue Saint-Lazare dans une de ces maisons légères à colonnes minces, à portique mesquin, qui constitue le joli à Paris. Une véritable maison de banquier, pleine de recherches coûteuses, des stucs, des paliers d'escalier en mosaïque de marbre. Il trouva Madame de Nucingen dans un petit salon à peinture italienne, dont le décor ressemblait à celui des cafés. La baronne était triste. Les efforts qu'elle fit pour cacher son chagrin intéressèrent d'autant plus vivement Eugène qu'il n'y avait rien de joué. Il croyait rendre une femme joyeuse par sa présence et la trouvait au désespoir. Ce désappointement piqua son amour-propre. J'ai bien peu de droit à votre confiance, madame, dit-il après l'avoir lutiné sur sa préoccupation. Mais si je vous gênais, je compte sur votre bonne foi. Vous me le diriez franchement. Restez, dit-elle. Je serais seule si vous vous en alliez. Nucingen dîne en ville et je ne voudrais pas être seule. J'ai besoin de distraction. Mais qu'avez-vous ? Vous seriez la dernière personne à qui je le dirais, s'écria-t-elle. Je veux le savoir. Je dois alors être pour quelque chose dans ce secret. Peut-être. Mais non, reprit-elle. C'est des querelles de ménage qui doivent être ensevelies au fond du cœur. Ne vous le disais-je pas avant-hier ? Je ne suis point heureuse. Les chaînes d'or sont les plus pesantes. « Quand une femme dit à un jeune homme qu'elle est malheureuse, Si ce jeune homme est spirituel, bien mis, s'il a 1500 francs d'oisiveté dans sa poche, il doit penser ce que se disait Eugène et devient fat. « Que pouvez-vous désirer ? » répondit-il. « Vous êtes belle, jeune, aimée, riche. » « Ne parlons pas de moi, » dit-elle en faisant un sinistre mouvement de tête. « Nous dînerons ensemble, tête à tête. Nous irons entendre la plus délicieuse musique. « Suis-je à votre goût ? » reprit-elle en se levant et montrant sa robe en cachemire blanc à dessins perses de la plus riche élégance. « Je voudrais que vous fussiez tout à moi, » dit Eugène. « Vous êtes charmante. » Vous auriez une triste propriété, dit-elle en souriant avec amertume. Rien d'ici ne vous annonce le malheur. Et cependant, malgré ces apparences, je suis au désespoir. Mes chagrins m'ôtent le sommeil. Je deviendrai laide. Oh, cela est impossible, dit l'étudiant. Mais je suis curieux de connaître ces peines qu'un amour dévoué n'effacerait pas. Ah, si je vous les confiais, vous me fuiriez, dit-elle. Vous ne m'aimez encore que par une galanterie qui est de coutume chez les hommes. Mais si vous m'aimiez bien, vous tomberiez dans un désespoir affreux. Vous voyez que je dois me taire. De grâce, reprit-elle, parlons d'autre chose. Venez voir mes appartements. Non, restons ici, répondit Eugène en s'asseyant sur une causeuse devant le feu, près de Madame de Nucingen, dont il prit la main avec assurance. Elle la laissa prendre et l'appuya même sur celle du jeune homme, par un de ces mouvements de force concentrés qui trahissent de fortes émotions. « Écoutez, lui dit Rastignac, si vous avez des chagrins, vous devez me les confier. Je veux vous prouver que je vous aime pour vous. Ou vous parlerez, me direz vos peines, afin que je puisse les dissiper. Fallut-il tuer 6 hommes ou je sortirais pour ne plus revenir ?» « Eh bien, s'écria-t-elle, saisie par une pensée de désespoir qui la fit se frapper le front, je vais vous mettre à l'instant même à l'épreuve. »« Oui, se dit-elle, il n'est plus que ce moyen. » Elle sonna. « La voiture de monsieur est-elle attelée ? » dit-elle à son valet de chambre. « Oui, madame. » »« Je la prends. Vous lui donnerez la mienne et mes chevaux. Vous ne servirez le dîner qu'à 7 heures. »« Allez, venez. » dit-elle à Eugène, qui crut rêver en se trouvant dans le coupé de monsieur de Nucingen, à côté de cette femme. Au palais royal, dit-elle au cocher, près du théâtre français. En route, elle parut agitée, et refusa de répondre aux 1000 interrogations d'Eugène, qui ne savait que penser de cette résistance muette, compacte, obtuse. En un moment, elle m'échappe, se disait-il. Quand la voiture s'arrêta, la baronne regarda l'étudiant d'un air qui imposa silence à ses folles paroles, car il s'était emporté. « Vous m'aimez bien ? » dit-elle. « Oui, » répondit-il en cachant mal l'inquiétude qui le saisissait. « Vous ne penserez rien de mal sur moi, quoi que je puisse vous demander ? » ?»« Non. » « Êtes-vous disposé à m'obéir ? » ?»« Aveuglément. » « Êtes-vous allé quelquefois au jeu ? » dit-elle d'une voix tremblante. « Jamais. »« Oh, je respire. Vous aurez du bonheur. »« Voici ma bourse, » dit-elle. « Prenez donc, il y a 100 francs. C'est tout ce que possède cette femme si heureuse. »« Montez dans une maison de jeu, je ne sais où elles sont, mais je sais qu'il y en a au palais royal. »« Risquez les 100 francs à un jeu qu'on nomme la roulette. » Et perdez tout, ou rapportez-moi 6 000 francs. Je vous dirai mes chagrins à votre retour. Je veux bien que le diable m'emporte si je comprends quelque chose à ce que je vais faire, mais je vais vous obéir, dit-il avec une joie causée par cette pensée. Elle se compromet avec moi. Elle n'aura rien à me refuser. Eugène prend la jolie bourse, court au numéro 9, après s'être fait indiquer par un marchand d'habits la plus prochaine maison de jeu. Il y monte, se laisse prendre son chapeau, mais il entre et demande où est la roulette. À l'étonnement des habitués, le garçon de salle le mène devant une longue table. Eugène, suivi de tous les spectateurs, demande sans vergogne où il faut mettre l'enjeu. Si vous placez un louis sur un seul de ces 36 numéros et qu'il sorte, vous aurez 36 louis, lui dit un vieillard respectable à cheveux blancs. Eugène jette les 100 francs sur le chiffre de son âge 21. Un cri d'étonnement part sans qu'il ait eu le temps de se reconnaître. Il avait gagné sans le savoir. « Retirez donc votre argent, » lui dit le vieux monsieur. « L'on ne gagne pas deux fois dans ce système-là. » Eugène prend un râteau que lui tend le vieux monsieur. Il tire à lui les 3600 francs et toujours, sans rien savoir du jeu, les place sur le rouge. La galerie le regarde avec envie en voyant qu'il continue à jouer. La roue tourne. Il gagne encore. Et le banquier lui jette encore 3600 francs. « Vous avez 7200 francs à vous, » lui dit à l'oreille le vieux monsieur. « Si vous m'en croyez, vous vous en irez. Le rouge a passé 8 fois. Si vous êtes charitable, vous reconnaîtrez ce bon avis en soulageant la misère d'un ancien préfet de Napoléon qui se trouve dans le dernier besoin. » Rastignac, étourdi, se laisse prendre 10 louis par l'homme à cheveux blancs et descend avec les 7000 francs, ne comprenant encore rien au jeu, mais stupéfié de son bonheur. « Ah ça, où me mènerez-vous maintenant ? » dit-il en montrant les 7000 francs à Madame de Nucingen quand la portière fut refermée. Delphine le serra par une étreinte folle et l'embrassa vivement, mais sans passion. « Vous m'avez sauvé. » Des larmes de joie coulèrent en abondance sur ses joues. « Je vais tout vous dire, mon ami. Vous serez mon ami, n'est-ce pas ? Vous me voyez riche, opulente. Rien ne manque, je parais ne manquer de rien. Eh bien, sachez que monsieur de Nucingen ne me laisse pas disposer d'un sou. Il pète toute la maison, mes voitures, mes loges. Il m'alloue pour ma toilette une somme insuffisante. Il me réduit à une misère secrète par calcul. Je suis trop fière pour l'implorer. Ne serais-je pas la dernière des créatures si j'achetais son argent au prix où il veut me le vendre ? Comment, moi, riche de 700 000 francs, me suis-je laissé dépouiller ? Par fierté, par indignation. Nous sommes si jeunes, si naïves, quand nous commençons la vie conjugale. La parole par laquelle il fallait demander de l'argent à mon mari me déchirait la bouche. Je n'osais jamais. Je mangeais l'argent de mes économies et celui que me donnait mon pauvre père. Puis je me suis endettée. Le mariage est pour moi la plus horrible des déceptions. Je ne puis vous en parler. Qu'il vous suffise de savoir que je me jetterais par la fenêtre s'il fallait vivre avec Nucingen, autrement qu'en ayant chacun notre appartement séparé. Quand il a fallu lui déclarer mes dettes de jeune femme, des bijoux, des fantaisies, mon pauvre père nous avait accoutumés à ne nous rien refuser. J'ai souffert le martyre, mais j'ai enfin trouvé le courage de les dire. N'avais-je pas une fortune à moi ? Nucingen s'est emporté. Il m'a dit que je le ruinerais. Des horreurs ! J'aurais voulu être à 100 pieds sous terre. Comme il avait pris ma dot, il a payé. Mais en stipulant désormais pour mes dépenses personnelles une pension à laquelle je me suis résignée, afin d'avoir la paix. Depuis, j'ai voulu répondre à l'amour-propre de quelqu'un que vous connaissez, dit-elle. Si j'ai été trompée par lui, je serais malvenue de ne pas rendre justice à la noblesse de son caractère. Mais enfin, il m'a quittée indignement. On ne devrait jamais abandonner une femme à laquelle on a jeté dans un jour de détresse un tas d'or. On doit l'aimer toujours. Vous, belle âme de 21 ans, vous, jeune et pure, vous me demanderez comment une femme peut accepter de l'or d'un homme. « Mon Dieu, n'est-il pas naturel de tout partager avec l'être auquel nous devons notre bonheur ? Quand on s'est tout donné, qui pourrait s'inquiéter d'une parcelle de ce tout ? L'argent devient quelque chose qu'au moment où le sentiment n'est plus. N'est-on pas lié pour la vie ? Qui de nous prévoit une séparation en se croyant bien aimé ? Vous nous jurez un amour éternel. Comment avoir alors des intérêts distincts ? Vous ne savez pas ce que j'ai souffert aujourd'hui, lorsque Nucingen m'a positivement refusé de me donner 6 000 francs. lui qui les donne tous les mois à sa maîtresse, une fille de l'opéra. Je voulais me tuer. Les idées les plus folles me passaient par la tête. Il y eut des moments où j'enviais le sort d'une servante, de ma femme de chambre. Aller trouver mon père, folie. Anastasie et moi, nous l'avons égorgé. Mon pauvre père se serait vendu s'il pouvait valoir 6 000 francs. J'aurais été le désespéré en vain. Vous m'avez sauvé de la honte et de la mort. J'étais ivre de douleur. Oh, monsieur, je vous devais cette explication. J'ai été bien déraisonnablement folle avec vous. Quand vous m'avez quitté et que je vous ai eu perdu de vue, je voulais m'enfuir à pied. Où ? Je ne sais. Voilà la vie de la moitié des femmes de Paris. Un luxe extérieur, des soucis cruels dans l'âme. Je connais de pauvres créatures encore plus malheureuses que je ne le suis. Il y a pourtant des femmes obligées de faire de faux mémoires par leurs fournisseurs. D'autres sont forcées de voler leur mari. Les uns croient que des cachemires de 100 louis se donnent pour 500 francs, les autres qu'un cachemire de 500 francs vaut 100 louis. Ils se rendent compte de pauvres femmes qui font jeûner leurs enfants et grappillent pour avoir une robe. Moi, je suis pure de ces odieuses tromperies. Voici ma dernière angoisse. Si quelques femmes se vendent à leur mari pour les gouverner, moi au moins je suis libre. Je pourrais me faire couvrir d'or par Nucingen. Et je préfère pleurer la tête appuyée sur le cœur d'un homme que je puisse estimer. Ah, ce soir, monsieur de Marsay n'aura pas le droit de me regarder comme une femme qu'il a payée. Elle se mit le visage dans ses mains pour ne pas montrer ses pleurs à Eugène, qui lui dégagea la figure pour la contempler. Elle était sublime ainsi. Mêler l'argent au sentiment, n'est-ce pas horrible ? Vous ne pourrez pas m'aimer, dit-elle. Ce mélange de bons sentiments qui rendent les femmes si grandes et des fautes que la constitution actuelle de la société les force à commettre bouleversait Eugène, qui disait des paroles douces et consolantes en admirant cette belle femme si naïvement imprudente dans son cri de douleur. « Vous ne vous armerez pas de ceci contre moi, dit-elle. Promettez-le-moi. Oh, madame, j'en suis incapable, dit-il. Elle lui prit la main et la mit sur son cœur par un mouvement plein de reconnaissance et de gentillesse. Grâce à vous, me voilà redevenue libre et joyeuse. Je vivais pressée par une main de fer. Je veux maintenant vivre simplement, ne rien dépenser. Vous me trouverez bien comme je serai, mon ami, n'est-ce pas ? Gardez ceci, dit-elle en ne prenant que 6 billets de banque. En conscience, je vous dois 1 000 écus, car je me suis considérée comme étant de moitié avec vous. Eugène se défendit comme une vierge. Mais la baronne lui ayant dit « Je vous regarde comme mon ennemi si vous n'êtes pas mon complice », il prit l'argent. « Ce serait une mise de fonds en cas de malheur, dit-il. « Voilà le mot que je redoutais, s'écria-t-elle en pâlissant. Si vous voulez que je sois quelque chose pour vous, jurez-moi, dit-elle, de ne jamais retourner au jeu. Mon Dieu, moi, vous corrompre, j'en mourrai de douleur. » Ils étaient arrivés. Le contraste de cette misère et de cette opulence étourdissait l'étudiant, dans les oreilles duquel les sinistres paroles de Vautrin vinrent retentir. « Mettez-vous là, » dit la baronne en entrant dans sa chambre et montrant une causeuse auprès du feu. « Je vais écrire une lettre bien difficile. Conseillez-moi. »« N'écrivez pas, » lui dit Eugène. « Enveloppez les billets. »« Mettez l'adresse et envoyez-les par votre femme de chambre. »« Mais vous êtes un amour d'homme, » dit-elle. « Oh, voilà, monsieur, ce que c'est que d'avoir été bien élevé. » « Ceci est du beau séant tout pur, » dit-elle en souriant. « Elle est charmante, » se dit Eugène qui s'éprenait de plus en plus. Il regarda cette chambre où respirait la voluptueuse élégance d'une riche courtisane. « Cela vous plaît-il » dit-elle en sonnant sa femme de chambre. « Thérèse, portez cela vous-même à monsieur de Marsay et remettez-le à lui-même. Si vous ne le trouvez pas, vous me rapporterez la lettre. » Thérèse ne partit pas sans avoir jeté un malicieux coup d'œil sur Eugène. Le dîner était servi. Rastignac donna le bras à Madame de Nucingen, qui le mena dans une salle à manger délicieuse, où il retrouva le luxe de table qu'il avait admiré chez sa cousine. « Les jours d'Italien, dit-elle, vous viendrez dîner avec moi, et vous m'accompagnerez. Je m'accoutumerai à cette douce vie si elle devait durer, mais je suis un pauvre étudiant qui a sa fortune à faire. Elle se fera, dit-elle en riant. Vous voyez, tout s'arrange. Je ne m'attendais pas à être si heureuse. » Il est dans la nature des femmes de prouver l'impossible par le possible et de détruire les faits par les pressentiments. Quand Madame de Nucingen et Rastignac entrèrent dans leur loge au Bouffon, elle eut un air de contentement qui la rendait si belle que chacun se permit de ces petites calomnies contre lesquelles les femmes sont sans défense et qui font souvent croire à des désordres inventés à plaisir. Quand on connaît Paris, on ne croit à rien de ce qui s'y dit. Et l'on ne dit rien de ce qui s'y fait. Eugène prit la main de la baronne, et tous deux se parlèrent par des pressions plus ou moins vives, en se communiquant les sensations que leur donnait la musique. Pour eux, cette soirée fut enivrante. Ils sortirent ensemble, et Madame de Nucingen voulut reconduire Eugène jusqu'au Pont-Neuf. En lui disputant pendant toute la route, un des baisers qu'elle lui avait si chaleureusement prodigué au palais royal. Eugène lui reprocha cette inconséquence. « Tantôt, répondit-elle, c'était de la reconnaissance pour un dévouement inespéré. Maintenant, ce serait une promesse. Et vous ne voulez m'en faire aucune, ingrate. » Il se fâcha, en faisant un de ces gestes d'impatience qui ravissent un amant. Elle lui donna sa main à baiser, qu'il prit avec une mauvaise grâce dont elle fut enchantée. « À lundi, au bal, » dit-elle. En s'en allant à pied par un beau clair de lune, Eugène tomba dans de sérieuses réflexions. Il était à la fois heureux et mécontent. Heureux d'une aventure dont le dénouement probable lui donnait une des plus jolies et des plus élégantes femmes de Paris, objet de ses désirs. Mécontent de voir ses projets de fortune renversés. Et ce fut alors qu'il éprouva la réalité des pensées indécises auxquelles il s'était livré l'avant-veille. L'insuccès nous accuse toujours la puissance de nos prétentions. Plus Eugène jouissait de la vie parisienne, moins il voulait demeurer obscur et pauvre. Il chiffonnait son billet de 1 000 francs dans sa poche, en se faisant 1 000 raisonnements captieux pour se l'approprier. Enfin, il arriva rue Neuve-Sainte-Geneviève, et quand il fut en haut de l'escalier, il y vit de la lumière. Le père Goriot avait laissé sa porte ouverte et sa chandelle allumée, afin que l'étudiant n'oubliât pas de lui raconter sa fille, suivant son expression. Eugène ne lui cacha rien. « Mais !» s'écria le père Goriot dans un violent désespoir de jalousie. « Elle me croit ruinée ? J'ai encore 1 300 livres de rente. » « Mon Dieu, la pauvre petite, que ne venait-elle ici? J'aurais vendu mes rentes, nous aurions pris sur le capital, et avec le reste, je me serais fait faire du viager. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me confier son embarras, mon brave voisin? Comment avez-vous eu le cœur d'aller risquer au jeu ces pauvres petits 100 francs? C'est à fendre l'âme. Voilà ce que c'est que des gendres. Oh, si je les tenais, je leur serrerais le cou. » Mon Dieu, pleurer, elle a pleuré. La tête sur mon gilet, dit Eugène. Oh, donnez-le-moi, dit le père Goriot. Comment il y a eu là des larmes de ma fille, de ma chère Delphine qui ne pleurait jamais étant petite. Oh, je vous en achèterai un autre. Ne le portez plus, laissez-le-moi. Elle doit, d'après son contrat, jouir de ses biens. Ah, je vais aller trouver Derville, un avoué, dès demain. Je vais faire exiger le placement de sa fortune. Je connais les lois. Je suis un vieux loup. Je vais retrouver mes dents. Tenez, père, voici 1 000 francs qu'elle a voulu me donner sur notre gain. Gardez-les lui dans le gilet. Goriot regarda Eugène, lui tendit la main pour prendre la sienne, sur laquelle il laissa tomber une larme. « Vous réussirez dans la vie, » lui dit le vieillard. « Dieu est juste, voyez-vous. Je me connais en probité, moi. Et puis vous assurez qu'il y a bien peu d'hommes qui vous ressemblent. Vous voulez donc être aussi, mon cher enfant ? Allez, dormez. Vous pouvez dormir. Vous n'êtes pas encore père. » Elle a pleuré. J'apprends ça, moi, qui étais là tranquillement à manger comme un imbécile pendant qu'elle souffrait. Moi qui vendrais le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour leur éviter une larme à toutes deux. Par ma foi, se dit Eugène en se couchant, je crois que je serai honnête homme toute ma vie. Il y a du plaisir à suivre les inspirations de sa conscience. Il n'y a peut-être que ceux qui croient en Dieu qui font le bien en secret. Et Eugène croyait en Dieu. Le lendemain, à l'heure du bal, Rastignac alla chez Madame de Beauséant, qui l'emmena pour le présenter à la duchesse de Carigliano. Il reçut le plus gracieux accueil de la maréchale, chez laquelle il retrouva Madame de Nucingen. Delphine s'était parée avec l'intention de plaire à tous pour mieux plaire à Eugène, de qui elle attendait impatiemment un coup d'œil, en croyant cacher son impatience. Pour qui sait deviner les émotions d'une femme, ce moment est plein de délices. Qui ne sait souvent plus à faire attendre son opinion ? À déguiser coquettement son plaisir, à chercher des aveux dans l'inquiétude que l'on cause, à jouir des craintes qu'on dissipera par un sourire. Pendant cette fête, l'étudiant mesura tout à coup la portée de sa position et comprit qu'il avait un état dans le monde en étant cousin avoué de Madame de Beauséant. La conquête de Madame la baronne de Nucingen, qu'on lui donnait déjà, le mettait si bien en relief que tous les jeunes gens lui jetaient des regards d'envie. En en surprenant quelques-uns, il goûta les premiers plaisirs de la fatuité. En passant d'un salon à l'autre, en traversant les groupes, il entendit vanter son bonheur. Les femmes lui prédisaient toutes des succès. Delphine, craignant de le perdre, lui promit de ne pas lui refuser le soir le baiser qu'elle s'était tant défendue d'accorder l'avant-veille. À ce bal, Rastignac reçut plusieurs engagements. Il fut présenté par sa cousine à quelques femmes qui toutes avaient des prétentions à l'élégance et dont les maisons passaient pour être agréables. Il se vit lancé dans le plus grand et le plus beau monde de Paris. Cette soirée eut donc pour lui les charmes d'un brillant début et il devait s'en souvenir jusque dans ses vieux jours. Comme une jeune fille se souvient du bal où elle a eu des triomphes. Le lendemain, quand en déjeunant, il raconta ses succès au père Goriot devant les pensionnaires, Vautrin se prit à sourire d'une façon diabolique. « Et vous croyez, s'écria ce féroce logicien, qu'un jeune homme à la mode peut demeurer une œuvre Sainte-Geneviève dans la maison Vouquet ? Pension infiniment respectable, sous tous les rapports, certainement, mais qui n'est rien moins que fashionable. Elle est cossue, elle est belle de son abondance. » Elle est fière d'être le manoir momentané d'un Rastignac. Mais enfin, elle est rue Neuf Sainte-Geneviève et ignore le luxe, parce qu'elle est purement patriarcale au ramas. Mon jeune ami, reprit Vautrin d'un ton paternellement railleur, si vous voulez faire figure à Paris, il vous faut 3 chevaux et un tilbury pour le matin, un coupé pour le soir, en tout 9 000 francs pour le véhicule. Vous seriez indigne de votre destinée si vous ne dépensiez que 3 000 francs chez votre tailleur, 600 francs chez le parfumeur, 100 écus chez le bottier, 100 écus chez le chapelier. Quant à votre blanchisseuse, elle vous coûtera 1 000 francs. Les jeunes gens à la mode ne peuvent se dispenser d'être très forts sur l'article du linge. N'est-ce pas ce qu'on examine le plus souvent en eux ? L'amour et l'église volent de belles nappes sur leurs autels. Nous sommes à 14 000. Je ne vous parle pas de ce que vous perdrez au jeu, en Paris, en présent. Il est impossible de ne pas compter pour 2 000 francs l'argent de poche. J'ai mené cette vie-là. J'en connais les débours. Ajoutez à ces nécessités premières 300 louis pour la pâtée, 1 000 francs pour la niche. Allez, mon enfant, nous en avons pour nos petits 25 000 par an dans les flancs, ou nous tombons dans la crotte. Nous nous faisons moquer de nous, et nous sommes destitués de notre avenir, de nos succès, de nos maîtresses. J'oublie le valet de chambre et le groom. Est-ce Christophe qui portera vos billets doux? Les écrirez-vous sur le papier dont vous vous servez? Ce serait vous suicider. Croyez-en, un vieillard plein d'expérience, reprit-il, en faisant un rinfozando dans sa voix de basse. Vous déportez-vous dans une vertueuse mansarde et mariez-vous-y avec le travail? Vous prenez une autre voie. Et Vautrin cligna de l'œil en guignant Mademoiselle Taillefer de manière à rappeler et à résumer dans ce regard les raisonnements séducteurs qu'il avait semés au cœur de l'étudiant pour le corrompre. Plusieurs jours se passèrent, pendant lesquels Rastignac mena la vie la plus dissipée. Il dînait presque tous les jours avec Madame de Nucingen, qui l'accompagnait dans le monde. Il rentrait à 3 ou 4 heures du matin, se levait à midi pour faire sa toilette, allait se promener au bois avec Delphine quand il faisait beau, prodiguant ainsi son temps sans en avoir le prix et aspirant tous les enseignements, toutes les séductions du luxe avec l'ardeur dont est saisi l'impatient calice d'un dattier femelle pour les fécondantes poussières de son hyménée. Il jouait gros jeu, perdait ou gagnait beaucoup et finit par s'habituer à la vie exorbitante des jeunes gens de Paris. Sur ses premiers gains, il avait envoyé 1 500 francs à sa mère et à ses sœurs, en accompagnant sa restitution de jolis présents. Quoiqu'il eût annoncé vouloir quitter la maison Vauquer, il y était encore dans les derniers jours du mois de janvier, et ne savait comment en sortir. Les jeunes gens sont soumis presque tous à une loi en apparence inexplicable, mais dont la raison vient de leur jeunesse même, et de l'espèce de furie avec laquelle ils se ruent au plaisir. Riches ou pauvres, ils n'ont jamais d'argent pour les nécessités de la vie, tandis qu'ils en trouvent toujours pour leurs caprices. Prodigues de tout ce qui s'obtient à crédit, ils sont avares de tout ce qui se paie à l'instant même. Ils semblent se venger de ce qu'ils n'ont pas en dissipant tout ce qu'ils peuvent avoir. Ainsi, pour nettement poser la question, un étudiant prend bien plus de soin de son chapeau que de son habit. L'énormité du gain rend le tailleur essentiellement créditeur, tandis que la modicité de la somme fait du chapelier un des êtres les plus intraitables parmi ceux avec lesquels il est forcé de parlementer. Si le jeune homme assis au balcon d'un théâtre offre à la lorgnette des jolies femmes d'étourdissants gilets, il est douteux qu'il ait des chaussettes. Le bonnetier est encore un des charançons de sa bourse. Rastignac en était là. Toujours vide pour Madame Vauquer, toujours pleine pour les exigences de la vanité, sa bourse avait des revers et des succès lunatiques en désaccord avec les paiements les plus naturels. Avant de quitter la pension puante, ignoble, où s'humiliaient périodiquement ses prétentions, ne fallait-il pas payer un mois à son hôtesse et acheter des meubles pour son appartement de dandy? C'était toujours la chose impossible. Si pour se procurer l'argent nécessaire à son jeu, Rastignac savait acheter chez son bijoutier des montres et des chaînes d'or chèrement payées sur ses gains, et qu'il portait au monde-piété ce sombre et discret ami de la jeunesse, il se trouvait sans invention, comme sans audace quand il s'agissait de payer sa nourriture, son logement, ou d'acheter les outils indispensables à l'exploitation de la vie élégante. Une nécessité vulgaire, des dettes contractées pour des besoins satisfaits ne l'inspiraient plus. Comme la plupart de ceux qui ont connu cette vie de hasard, il attendait au dernier moment pour solder des créances sacrées aux yeux des bourgeois, comme faisait Mirabeau, qui ne payait son pain que quand il se présentait sous la forme dragonnante d'une lettre de change. Vers cette époque, Rastignac avait perdu son argent et s'était endetté. L'étudiant commençait à comprendre qu'il lui serait impossible de continuer cette existence sans avoir des ressources fixes. Mais, tout en gémissant sous les piquantes atteintes de sa situation précaire, Il se sentait incapable de renoncer aux jouissances excessives de cette vie et voulait la continuer à tout prix. Les hasards sur lesquels il avait compté pour sa fortune devenaient chimériques et les obstacles réels grandissaient. En s'initiant aux secrets domestiques de M. et Mme de Nucingen, il s'était aperçu que pour convertir l'amour en instrument de fortune, il fallait avoir bu toute honte et renoncer aux nobles idées qui sont l'absolution des fautes de la jeunesse. Cette vie extérieurement splendide, mais rongée par tous les ténias du remords, et dont les fugitifs plaisirs étaient chèrement expiés par des persistantes angoisses, il l'avait épousée. Il s'y roulait en se faisant, comme le distrait de la bruyère, un lit dans la fange du fossé. Mais, comme le distrait, il ne souillait encore que son vêtement. « Nous avons donc tué le mandarin ?» lui dit un jour Bianchon en sortant de table. « Pas encore, » répondit-il, « mais il râle. » L'étudiante en médecine prit ce mot pour une plaisanterie, et ce n'en était pas une. Eugène, qui pour la première fois depuis longtemps avait dîné à la pension, s'était montré pensif pendant le repas. Au lieu de sortir au dessert, il resta dans la salle à manger, assis auprès de Mademoiselle Taillefer, à laquelle il jeta de temps en temps des regards expressifs. Quelques pensionnaires étaient encore attablés et mangeaient des noix. D'autres se promenaient en continuant des discussions commencées. Comme presque tous les soirs, chacun s'en allait à sa fantaisie, suivant le degré d'intérêt qu'il prenait à la conversation, ou selon le plus ou moins de pesanteur que lui causait sa digestion. En hiver, il était rare que la salle à manger fût entièrement évacuée avant 8 heures, moment où les 4 femmes demeuraient seules et se vengeaient du silence que leur sexe leur imposait au milieu de cette réunion masculine. Frappé de la préoccupation à laquelle Eugène était en proie, Vautrin resta dans la salle à manger, quoiqu'il eût paru d'abord empressé de sortir, et se tint constamment de manière à n'être pas vu d'Eugène, qui dut le croire parti. Puis, au lieu d'accompagner ceux des pensionnaires qui s'en allèrent les derniers, il stationna sournoisement dans le salon. Il avait lu dans l'âme de l'étudiant et pressentait un symptôme décisif. Rastignac se trouvait en effet dans une situation perplexe que beaucoup de jeunes gens ont dû connaître. Aimante ou coquette, Madame de Nucingen avait fait passer Rastignac par toutes les angoisses d'une passion véritable, en déployant pour lui les ressources de la diplomatie féminine en usage à Paris. Après s'être compromise aux yeux du public pour fixer près d'elle le cousin de Madame de Beauséant, elle hésitait à lui donner réellement les droits dont il paraissait jouir. Depuis un mois, elle irritait si bien les sens d'Eugène qu'elle avait fini par attaquer le cœur. Si dans les premiers moments de sa liaison, l'étudiant s'était cru le maître, Madame de Nucingen était devenue la plus forte, à l'aide de ce manège qui mettait en mouvement chez Eugène tous les sentiments, bons ou mauvais, des 2 ou 3 hommes qui sont dans un jeune homme de Paris. Était-ce en elle un calcul ? Non. Les femmes sont toujours vraies, même au milieu de leur grande fausseté, parce qu'elles cèdent à quelques sentiments naturels. Peut-être Delphine, après avoir laissé prendre tout à coup tant d'empire sur elle par ce jeune homme et lui avoir montré trop d'affection, obéissait-elle à un sentiment de dignité qui la faisait ou revenir sur ses concessions, ou se plaire et les suspendre. Il est si naturel à une Parisienne, au moment même où la passion l'entraîne, d'hésiter dans sa chute, d'éprouver le cœur de celui auquel elle va livrer son avenir. Toutes les espérances de Madame de Nucingen avaient été trahies une première fois, et sa fidélité pour un jeune égoïste venait d'être méconnue. Elle pouvait être défiante à bon droit. Peut-être avait-elle aperçu dans les manières de Gênes que son rapide succès avait rendu fat une sorte de mésestime causée par les bizarreries de leur situation. Elle désirait sans doute paraître imposante à un homme de cet âge, et se trouver grande devant lui après avoir été si longtemps petite, devant celui par qui elle était abandonnée. Elle ne voulait pas que Gênes la crût une conquête facile, précisément parce qu'il savait qu'elle avait appartenu à de Marsay. Enfin, après avoir subi le dégradant plaisir d'un véritable monstre, un libertin jeune, elle éprouvait tant de douceur à se promener dans les régions fleuries de l'amour que c'était sans doute un charme pour elle d'en admirer tous les aspects, d'en écouter longtemps les frémissements et de se laisser longtemps caresser par de chastes brises. Le véritable amour payait pour le mauvais. Ce contresens sera malheureusement fréquent tant que les hommes ne sauront pas combien de fleurs fauchent dans l'âme d'une jeune femme les premiers coups de la tromperie. Quelles que fussent ses raisons, Delphine se jouait de Rastignac et se plaisait à se jouer de lui, sans doute parce qu'elle se savait aimée et sûre de faire cesser les chagrins de son amant, suivant son royal bon plaisir de femme. Par respect de lui-même, Gênes ne voulait pas que son premier combat se terminât par une défaite, et persistait dans sa poursuite comme un chasseur qui veut absolument tuer une perdrix à sa première fête de Saint-Hubert. Ses anxiétés, son amour-propre offensé, ses désespoirs, faux ou véritables, l'attachaient de plus en plus à cette femme. Tout Paris lui donnait Madame de Nucingen, auprès de laquelle il n'était pas plus avancé que le premier jour où il l'avait vue. Ignorant encore que la coquetterie d'une femme offre quelquefois plus de bénéfices que son amour ne donne de plaisir, il tombait dans de sottes rages. Si la saison pendant laquelle une femme se dispute à l'amour offrait à Rastignac le butin de ses primeurs, elle lui devenait aussi coûteuse qu'elles étaient vertes, aigrelettes et délicieuses à savourer. Parfois, en se voyant sans un sou, sans avenir, il pensait malgré la voix de sa conscience aux chances de fortune dont Vautrin lui avait démontré la possibilité dans un mariage avec Mademoiselle Taillefer. Or, il se trouvait alors dans un moment où sa misère parlait si haut qu'il céda presque involontairement aux artifices du terrible sphinx par les regards duquel il était souvent fasciné. Au moment où Poiret et Mademoiselle Michonneau en montèrent chez eux, Rastignac, se croyant seul entre Madame Vauquer et Madame Couture, qui se tricotaient des manches de laine en sommeillant auprès du poêle, regarda Mademoiselle Taillefer d'une manière assez tendre pour lui faire baisser les yeux. « Auriez-vous des chagrins, Monsieur Eugène ?» lui dit Victorine après un moment de silence. « Quel homme n'a pas ses chagrins ?» répondit Rastignac. « Si nous étions sûrs, nous autres jeunes gens, d'être bien aimés, avec un dévouement qui nous récompensa des sacrifices que nous sommes toujours disposés à faire, nous n'aurions peut-être jamais de chagrins. » Mademoiselle Taillefer lui jeta, pour toute réponse, un regard qui n'était pas équivoque. « Vous, mademoiselle, vous vous croyez sûre de votre cœur aujourd'hui? Mais répondriez-vous de ne jamais changer ?» Un sourire vint errer sur les lèvres de la pauvre fille comme un rayon jaillit de son âme et fit si bien reluire sa figure que Gênes fut effrayée d'avoir provoqué une aussi vive explosion de sentiments. « Quoi? Si demain vous étiez riche et heureuse, si une immense fortune vous tombait des nues, vous aimeriez encore le jeune homme pauvre qui vous aurait plu durant vos jours de détresse ?» Elle fit un joli signe de tête. Un jeune homme bien malheureux ? Nouveau signe. « Quelle bêtise dites-vous donc là ? » s'écria Madame Vauquer. « Laissez-nous, » répondit Eugène, « nous nous entendons. » Il y aurait donc alors promesse de mariage entre monsieur le chevalier Eugène de Rastignac et mademoiselle Victorine Taillefer ? Dit Vautrin de sa grosse voix en se montrant tout à coup à la porte de la salle à manger. Oh ! Vous m'avez fait peur, dirent à la fois madame Couture et madame Vauquer. Je pourrais plus mal choisir, répondit en riant Eugène à qui la voix de Vautrin causa la plus cruelle émotion qu'il eût jamais ressentie. « Pas de mauvaise plaisanterie, messieurs, » dit Madame Couture. « Ma fille, remontons chez nous. » Madame Vauquer suivit ses deux pensionnaires afin d'économiser sa chandelle et son feu en passant la soirée chez elle. Eugène se trouva seul et face à face avec Vautrin. « Je savais bien que vous y arriveriez, » lui dit cet homme, en gardant un imperturbable sang-froid. « Mais, écoutez, j'ai de la délicatesse tout comme un autre, moi. Ne vous décidez pas dans ce moment. Vous n'êtes pas dans votre assiette ordinaire. Vous avez des dettes. Je ne veux pas que ce soit la passion, le désespoir, mais la raison qui vous détermine à venir à moi. Peut-être vous faut-il un millier d'écus. Tenez, le voulez-vous ? » Ce démon prit dans sa poche un portefeuille et en tira 3 billets de banque qu'il fit papilloter aux yeux de l'étudiant. Eugène était dans la plus cruelle des situations. Il devait au marquis d'Adjuda et au comte de Trailles 100 louis perdus sur parole. Il ne les avait pas et n'osait aller passer la soirée chez Madame de Restaud, où il était attendu. C'était une de ces soirées sans cérémonie, où l'on mange des petits gâteaux, où l'on boit du thé, mais où l'on peut perdre 6 000 francs au whist. « Monsieur, lui dit Eugène en cachant avec peine un tremblement convulsif, après ce que vous m'avez confié, vous devez comprendre qu'il m'est impossible de vous avoir des obligations. « Eh bien, vous m'auriez fait de la peine de parler autrement, » reprit le tentateur. « Vous êtes un beau jeune homme délicat, fier comme un lion et doux comme une jeune fille. Vous seriez une belle proie pour le diable. J'aime cette qualité de jeunes gens. Encore 2 ou 3 réflexions de haute politique, et vous verrez le monde comme il est. En y jouant quelques petites scènes de vertu, l'homme supérieur y satisfait toutes ses fantaisies, aux grands applaudissements des niais du parterre. Avant peu de jours, vous serez à nous. Ah, si vous vouliez devenir mon élève, je vous ferais arriver à tout. Vous ne formeriez pas un désir qui ne fût à l'instant comblé, quoi que vous puissiez souhaiter. Honneur, fortune, femme. On vous réduirait toute la civilisation en ambroisie. Vous seriez notre enfant gâté. Notre Benjamin, nous nous exterminerions tous pour vous avec plaisir. Tout ce qui vous ferait obstacle serait aplati. Si vous conservez des scrupules, vous me prenez donc pour un scélérat ? Eh bien, un homme qui avait autant de probité que vous croyez en avoir encore, monsieur de Turenne, faisait sans se croire compromis de petites affaires avec des brigands. Vous ne voulez pas être mon obligé, hein ? « Qu'à cela ne tienne, » reprit Vautrin en laissant échapper un sourire. « Prenez ces chiffons et mettez-moi là-dessus, » dit-il en tirant un timbre. « Là, en travers. Accepté pour la somme de 3 500 francs, payable en un an, et daté. L'intérêt est assez fort pour vous ôter tout scrupule. Vous pouvez m'appeler juif et vous regarder comme quitte de toute reconnaissance. » Je vous permets de me mépriser encore aujourd'hui, sûr que plus tard vous m'aimerez. Vous trouverez en moi de ces immenses abîmes, de ces vastes sentiments concentrés que les niais appellent des vices. Mais vous ne me trouverez jamais ni lâche, ni ingrat. Enfin, je ne suis ni un pion, ni un fou, mais une tour, mon petit. Quel homme êtes-vous donc ? S'écria Eugène. Vous avez été créé pour me tourmenter. Mais non, je suis un bonhomme qui veut se crotter pour que vous soyez à l'abri de la boue pour le reste de vos jours. Vous vous demandez pourquoi ce dévouement ? Eh bien, je vous le dirai tout doucement, quelques jours, dans le tuyau de l'oreille. Je vous ai d'abord surpris en vous montrant le carillon de l'ordre social et le jeu de la machine. Mais votre premier effroi se passera comme celui du conscrit sur le champ de bataille. Et vous vous accoutumerez à l'idée de considérer les hommes comme des soldats décidés à périr pour le service de ceux qui se sacrent rois eux-mêmes. Les temps sont bien changés. Autrefois, on disait à un brave, « Voilà 100 écus. Tue-moi, monsieur un tel, et l'on soupait tranquillement après avoir mis un homme à l'ombre pour un oui, pour un non. Aujourd'hui, je vous propose de vous donner une belle fortune contre un signe de tête qui ne vous compromet en rien. Et vous hésitez. Le siècle est mou. » Eugène signa la traite et l'échangea contre les billets de banque. « Eh bien, voyons, Parlons raison, reprit Vautrin. Je veux partir d'ici il y a quelques mois pour l'Amérique, aller planter mon tabac. Je vous enverrai les cigares de l'amitié. Si je deviens riche, je vous aiderai. Si je n'ai pas d'enfant, cas probable, je ne suis pas curieux de me replanter ici par bouture. Eh bien, je vous lèguerai ma fortune. Est-ce être l'ami d'un homme? Mais je vous aime, moi. J'ai la passion de me dévouer pour un autre. Je l'ai déjà fait. Voyez-vous, mon petit, je vis dans une sphère plus élevée que celle des autres hommes. Je considère les actions comme des moyens et ne vois que le but. Qu'est-ce qu'un homme pour moi? Ça, fit-il en faisant claquer l'ongle de son pouce sous une de ses dents. Un homme est tout ou rien. Il est moins que rien quand il se nomme Poiret. On peut l'écraser comme une punaise. Il est plat et il pue. Mais un homme est un dieu quand il vous ressemble. Ce n'est pas une machine couverte en peau, mais un théâtre où s'émeuvent les plus beaux sentiments. Et je ne vis que par les sentiments. Un sentiment, n'est-ce pas le monde dans une pensée? Voyez le père Goriot. Ses deux filles sont pour lui tout l'univers. Elles sont le fil avec lequel il se dirige dans la création. Eh bien, pour moi, qui ai bien creusé la vie, il n'existe qu'un seul sentiment réel. Une amitié d'homme à homme. Pierre et Jaffier, voilà ma passion. Je sais Venise sauvée par cœur. Avez-vous vu beaucoup de gens assez poilus pour quand un camarade dit « Allons enterrer un corps, y aller sans souffler mou ni l'embêter de morale ?» J'ai fait ça, moi. Je ne parlerai pas ainsi à tout le monde. Mais vous, vous êtes un homme supérieur. On peut tout vous dire. Vous savez tout comprendre. Vous ne patrouillerez pas longtemps dans les marécages où vivent les crapoussins qui nous entourent ici. Eh bien, voilà qui est dit. Vous épouserez. Poussons chacun nos pointes. La mienne est en fer et ne mollit jamais. Hé hé. Vautrin sortit sans vouloir entendre la réponse négative de l'étudiant, afin de le mettre à son aise. Il semblait connaître le secret de ces petites résistances, de ces combats dont les hommes se parent devant eux-mêmes et qui leur servent à se justifier leurs actions blâmables. Qu'il fasse comme il voudra. Je n'épouserai certes pas Mademoiselle Taillefer, se dit Eugène. Après avoir subi le malaise d'une fièvre intérieure que lui causa l'idée d'un pacte fait avec cet homme dont il avait horreur, mais qui grandissait à ses yeux par le cynisme même de ses idées et par l'audace avec laquelle il étreignait la société, Rastignac s'habilla, demanda une voiture et vint chez Madame de Resto. Depuis quelques jours, cette femme avait redoublé de soins pour un jeune homme dont chaque pas était un progrès au cœur du grand monde et dont l'influence paraissait devoir être un jour redoutable. Il paya messieurs de Trailles et d'Adjuda, joua au whist une partie de la nuit et regagna ce qu'il avait perdu. Superstitieux comme la plupart des hommes dont le chemin est à faire et qui sont plus ou moins fatalistes, il voulut voir dans son bonheur une récompense du ciel pour sa persévérance à rester dans le bon chemin. Le lendemain matin, il s'empressa de demander à Vautrin s'il avait encore sa lettre de change. Sur une réponse affirmative, il lui rendit les 3 000 francs en manifestant un plaisir assez naturel. « Tout va bien ?» lui dit Vautrin. « Mais je ne suis pas votre complice, » dit Eugène. « je sais, » répondit Vautrin en l'interrompant. « Vous faites encore des enfantillages. Vous vous arrêtez aux bagatelles de la porte. » Thank you.